Vous aimez les films avec des extraterrestres. Vous aimez les films avec des voyages dans le temps. Vous aimez les films qui se déroulent dans l'espace. Vous aimez les films où à la fin le méchant est dit au gentil qu'en fait depuis le début il était son père. Alors vous aimerez ce numéro de Parlons Péloche. Compris dans Parlons Péloche aujourd'hui, il sera question du film de science-fiction. La science-fiction est un genre cinématographique structuré par des hypothèses se passant dans le temps, sur ce qui aurait pu être le présent, voire le passé, ou sur ce que pourrait être le futur. La science-fiction peut se dérouler sur Terre ou dans l'espace. Mais ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. De notre côté, autour de la table, nous allons tenter de définir nos propres codes du film de science-fiction. Nous nous demanderons également ce qu'est devenu ce genre aujourd'hui à travers 10 films de science-fiction sortis sur ces deux dernières années. Et enfin, Antoine nous livrera son questionnaire What the fuck sur deux incontournables du genre, Terminator 2 et Matrix. Pour traiter de tous ces sujets, ça rigole déjà autour de la table, pour traiter de tous ces sujets avec nous aujourd'hui, vous la connaissez sûrement car c'est elle qui a proposé à Lucasfilm une réadaptation sociale de Star Wars sur la famille recomposée dans laquelle Dark Vador disait « Luke, je suis ton beau-père ». Béa... Bonsoir Béa. Bonsoir. Également avec nous ce soir, vous le connaissez sûrement car l'enfant sans jambes dans le costume d'E.T. l'extraterrestre, c'était lui, Tristan. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Vous le connaissez sûrement car il est le seul à avoir compris le scénario de Mr. Nobody avec Jared Leto et en plus il a aimé ça, Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir Thomas. Et enfin vous le connaissez sûrement car c'est lui le seul sur cette bonne vieille terre à avoir apprécié le personnage de Jar Jar Binks, Kamel. Bonsoir Kamel. Bonjour Thomas. Et bien maintenant bravo Kamel. Et bien maintenant que j'ai fait mon petit tour de table à la Philippe Bouvard, on passe tout de suite à la première séquence de l'émission, le tas de beaux yeux tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais. Le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir ce qu'est le film de science-fiction à travers les yeux de nos chroniqueurs et isoler ses mots-clés propres à ce style cinématographique. Pour savoir quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous pousse à aller voir un film de science-fiction. Et je l'ai dit dans l'introduction, le point de départ d'un film de science-fiction est une hypothèse ayant des conséquences sur le temps, dans le temps. Mais pour vous, autour de la table, qu'est-ce qui symbolise ce genre? Et galanterie oblige, une fois de plus, on va commencer par Béa. Merci Thomas. Alors moi finalement je ne vais pas te dire grand chose de plus que ce que tu viens de dire, puisque pour moi la science-fiction c'est une projection du réel, soit dans le passé, le futur ou dans l'espace. Donc si je devais isoler un mot ce serait projection. Et Je n'ai pas de blague là-dessus. Non, on va pas tout de suite commencer par. Ben non, on sait le début. Par du moins de 18. Ouais. Voilà. Alors, bien, en parlant de projection, je voulais juste dire que. quand même. Après, on a eu pas mal de retours sur le premier podcast et je suis plus le seul autour de la table à avoir envie de te pécho. puisque visiblement, la France entière a envie de te pécho. Vas-y, on écoute. C'est la bonne chaudière, ça, je pense. On reste sur projection. Alors, on reste sur projection quand même, j'assume. Et deuxième mot, questionnement, puisque effectivement. Questionnement, projection. Bah et si, voilà, juste là que de la science-fiction. Si. Voilà, faut qu'à un moment je me pose la question. Et si ça arrivait. Ah ben ça si fait toujours du bien. On va tout de suite refroidir l'ambiance avec en sachant ce que Antoine en pense de cette question. Antoine, qu'est-ce que tu attends d'un film de science-fiction? Moi ce que j'aime dans les films de science-fiction en fait c'est un peu tout ce qui est posé comme rapport à l'homme, les questions qui sont évoquées généralement, le rapport à l'espèce, à l'être, au conflit, c'est en fait un moyen d'extrapoler des questions de société, je pense. J'avais noté moi dans ma définition prévenir des dérives de notre société, donc bah, on se rapproche un petit peu de ça. Voilà, c'est un peu ça et ouais j'aime bien ça. Et est-ce que t'as une autre dimension que toi tu attends dans les films de science-fiction ? Principalement du kiff, parce que souvent c'est du spectacle, c'est des choses auxquelles on ne peut pas s'attendre, c'est essayer de voir jusqu'où les gens ont pu avoir eu un esprit de taré et aller très loin. Voilà. Esprit de taré, ouais, esprit de Jones, esprit de fou. C'est possible Keanu Reeves, mais... Keanu Reeves, une fois de plus je le rajoute... Voilà, pour une fois, il y aura de la cohérence, hein, parce qu'il y a quand même Matrix. L'autre fois, il y avait The Neon Demon, mais on l'a juste pas mentionné. C'est vrai qu'il était dedans, c'est vrai. On va passer à Tristan. Tristan, qu'est-ce que t'attends, toi, d'un film de science-fiction? Oui, mais moi aussi, c'est pareil, en fait, c'est du spectacle, et surtout une expérience auditive et visuelle. Auditive, pas mal, expérience mais auditive. Ça passe surtout par le son. Enfin, la plupart du temps, quand il y a une super BO ou des bruitages, ça donne une autre dimension au film. Bah, on va voir dans ce podcast hein, l'importance du visuel et du son qui est forcément primordial dans ce genre. On va enchaîner sur mon préféré, Kamel. Kamel, qu'est-ce que toi tu attends d'un film de science-fiction? Pourquoi c'est ton préféré? Je sais pas, j'avais envie de créer une rivalité autour de la table. D'accord. Vas-y, Kamel. Alors, être surpris en découvrant un environnement totalement hors du commun. Ouais, environnement hors du commun. Voilà, surprise. Pour, voilà, complètement imaginaire. Et sinon, dans un autre style de film de science-fiction, plus voir une modification dans la technologie, par exemple, et voir ou bien sociale, et voir à quel point elle peut influer sur, sur le groupe qui est touché. Une modification dans la technologie, en utilisant une technologie du futur, ouais, par exemple, une technologie de chose, du futur, qui installe ou un changement un de code social, ou une évolution d'un code social, et voir sur, à quel point il peut influer justement sur la société. Eh bien, très bien. Donc, on aura vu nos mots-clés. Il s'agit de la projection du réel, Béa, du questionnement, du rapport à l'homme, du spectacle, de l'esprit de taré, de l'expérience auditive, de l'expérience visuelle, un environnement hors du commun, être surpris par un environnement hors du commun, de l'imaginaire, des modifications technologiques avec une technologie du futur, et Keanu Reeves. À nouveau, ce sont les mots-clés que l'on a autour de la science-fiction. On aurait pu penser également aux faits impossibles à l'état actuel de la civilisation. Il y a des mots-clés aussi qu'on n'a pas dit, la présence de robots, d'extraterrestres, de voyages dans le temps, de guerre spatiale. Béa a mentionné le « Que se passe-t-il si ?» également un, ça, monde c'est un mot-clé, ça. Inhabituel. Le, c'est un mot-clé. Que se passe-t-il si ? Question clé, on va dire, pour élargir. Et si ? Et si ? La représentation du futur, les hypothèses dérangeantes et prévenir des dérives de notre société. Ce sont donc ces mots qui font notre définition du film de science-fiction. Nous pouvons donc passer à la deuxième partie de cette émission, le « Nom de Zeus ». Nom de Zeus. Le nom de Zeus, vous le savez, c'est le moment de l'émission. On fait le tour d'horizon de 10 films de ces deux dernières années ayant été répertoriés comme étant des films de science-fiction pour voir ce qu'est devenu ce genre aujourd'hui. Et cette fois, nouveauté, un petit jeu. Vous allez pouvoir deviner chez vous de quel film il s'agit en écoutant un petit morceau de la bande-annonce. Oui, car Parlons Péloche, c'est aussi un podcast où l'on s'amuse. Voilà, je passe les extraits et après, je vais vous dire de quel film il s'agit. Entrer en transe. Tout se brisait. C'était comme une sensation. Quel genre de sensation ? Notre galaxie est en état d'alerte. Capitaine Quark ? Les Rangers Galactiques ont besoin d'une nouvelle recrue. Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA ? Il demande un nom de code. C'est... Rogue. Rogue One. Hé oh ! Y'a personne là-dedans ! Vous savez ce qui se passe ? Personne d'autre n'est réveillé et... On s'est réveillé 90 ans trop tôt. Non, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas. Vers 4h30 du matin, nos satellites ont détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Ares 3 sur Mars. La tempête ayant atteint une violence extrême, nous avons dû nous résoudre à annuler la mission. Et pendant l'évacuation, l'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Five, four, three, two. Have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone? Yes, a lobster. A lobster is an excellent choice. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure ? C'est pas une bonne idée. La palissade fait 12 mètres. Vous croyez qu'elle a pu l'escalader ? Ça dépend. De quoi ? Du genre de dinosaure qu'ils nous ont pondu dans ce labo. Faites évacuer l'île. On a trouvé quelque chose ici. Quelque chose que vous êtes le seul à pouvoir comprendre. Oh mon Dieu. Et Et voilà, donc premier constat, Chris Pratt joue dans 90% des nouveaux films de science-fiction. C'était beau. Et oui, et vous l'avez entendu, donc ce soir, il sera question de Midnight Special, Ratchet & Clank, Ex Machina, Rogue One, A Star Wars Story, Passengers, Premier Contact, Seul sur Mars, Jurassic World et Independence Day Resurgence. On va commencer, nous, par Midnight Special, le film du magnifique Jeff Nichols. Titre québécois, Le lieu secret. On suit les aventures de... ouais, j'ai tenté un accent québécois approximatif. On suit les aventures de Roy et son fils de 8 ans, Alton, accompagné de Lucas, un ami policier. Les trois compères sont en cavale à travers les États-Unis depuis que Roy souhaite soustraire son fils de l'emprise du Third Heaven Ranch, une secte religieuse, qui le considère comme leur sauveur en raison de ses pouvoirs surnaturel. Autour de la table, qu'avez-vous pensé de ce film ? On va commencer par Tristan, qui l'a vu hier, Tristan, il me semble. Ouais, ouais, c'est tout frais, là. J'ai d'abord un petit conseil. Là, il faut vraiment prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, parce qu'il peut y avoir 6 mois d'attente, et j'ai l'impression que ça tourne en migraine ophtalmique pour le petit, là, donc... Alors, pour ceux qui ne savent pas, il fait référence au laser dans les yeux. C'est à surveiller. Plus, la vraie anecdote, c'est que Jeff Nichols avait fait installer des petits lasers sur les yeux du gamin, en fait, pour que les acteurs soient confrontés à un début d'effets spéciaux. Voilà. Tristan, qu'est-ce que tu as à dire de sérieux sur ce film ? Non, j'ai trouvé ça très bien. Pour moi, c'est vraiment une très belle surprise par rapport à ce que j'en avais entendu. Je m'attendais à pas grand-chose et au final le film a bien capté. Notamment par sa photographie qui est plutôt pas mal, ses belles lumières et, ouais, et les plans de Jeff Nichols, mm, qui avait déjà fait un super travail sur Mud. La musique aussi était super belle. Ça m'a quand même un peu fait penser à Stranger Things dans le genre. Ouais, clairement. Vu sur l'année. Donc à Spielberg. Et oui. Bon. Entre autres. Ah, on entend Béa souffler. On va lui demander son avis sur le film, mais visiblement, j'attends, une comparaison à Spielberg qui lui a fait mal au cucu, comme on dit. Hein. Non, j'ai bien aimé ce film. Elle a fait son petit rire, hein, Béa. J'ai bien aimé ce film. J'ai quand même, alors il y a une, en fait je suis assez d'accord, enfin je suis complètement d'accord au niveau de l'esthétique, c'est très chouette, au niveau de la photo, ça m'a fait penser aussi au niveau de l'ambiance à Shyamalan, enfin voilà, ça ressemble. Mmh. Le piano, effectivement, la musique, elle est là. Maintenant ça donne aussi, c'est assez pesant, et du coup j'ai trouvé l'ambiance assez pesante, le rythme assez lent. Voilà, donc j'ai pas ça démarre vraiment jamais vraiment, en fait, et jusqu'au bout. Pour moi c'est le concept, hein. Pour moi c'est le... voilà, et moi mon ressenti c'est que on peut difficilement dire du mal de ce film, mais on va dire du mal. Je me suis un peu, et non, juste si Spielberg, je peux dire, peut-être, pardon. Oui vraiment, c'est juste, alors c'est OK, c'est l'affiche, c'est la promo, mais l'héritier de Spielberg, non mais où va-t-on ? Ouais, tout le monde de sait qui que... De qui se moque-t-on, ouais, j'ai envie de dire ? C'est James Hutt, l'héritier de Spielberg, réalisateur de Brighton Heights. Kamel, toi qui veux dire du mal alors, de ce film ? C'est un film que j'ai bien aimé, globalement. Ah. Menteur. Acteur studio, non, t'as pas aimé ? Non, mais je dirais moyennement. Alors, l'intrigue se base évidemment sur le petit garçon. Et ce qui fait qu'on se pose la question, au fur et à mesure, il n'y a pas beaucoup d'indications, justement, de révélations. Ouais. Et donc, on est en attente. Et ce qui fait qu'au final, j'ai trouvé le film relativement lent. Et pour un final, où on s'attend à une révélation énorme, ouais, et je dis tout ça pour ça. Ah, t'as trouvé décevant le, ouais, le final, ok. Très, bon, très banal au final, donc du coup... ça va rejoindre un petit peu... Je dis trois fois final, avec ma question. Surtout qu'on a décidé de pas spoiler, donc on va surtout pas trop... Non, je ne dis pas le final, justement. t'as mais je me dis tout ça pour en arriver là, c'est décevant. Oui, c'est une nouvelle résolution de Parlons Péloche, nous ne spoilerons pas. Ou pas trop. Voilà, j'ai pris ma voix de candidat à la présidentielle. Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Moi, je parle pas. Hein, toi, tu as détesté Antoine, non ? Non, moi, j'ai bien aimé ce film. Toi, non, tu as bien aimé ce film, Antoine, n'est-ce pas ? Mais il y a des reproches à faire, mais non, il est bien. Et ouais, non, c'est un film très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les acteurs sont assez attachants. On s'attache vite fait au petit groupe, en fait. Je trouve tellement pas qu'on s'attache à ces gens. Ouais. Michael Shannon, en fait, il est super dedans. Elle aime pas Michael Shannon. Alors ça, c'est quand même, je dois le dire. Il y a la seule meuf en France et au monde qui n'aime pas Michael Shannon, et on l'a autour de la table, c'est Béa. Béa, tu as 17 secondes pour te justifier. Je fais un décompte avec mes doigts. Non, mais j'ai pas à me justifier, il est moche. C'est faux. Et voilà. Dès qu'on tape pas dans le Ryan Gosling, il n'y a plus personne. Non, mais j'aime pas tellement cet acteur qui, je trouve, joue toujours un peu pareil. Voilà. Non, mais après, moi, c'est le genre de film que j'aime bien parce que juste sur un des premiers plans, il y a une idée qui arrive un peu à me conquérir et moi, c'est bon, je sais que je suis parti pour aimer ce film. Ah, c'est quand ils sont dans la voiture. Voilà, et jingle instant relou. J'en ai pas, mais vas-y. Instant relou. Voilà, très bien. Instant gênant maintenant, du coup. Regarde. Non, bon, moi, quand juste il décide d'éteindre les phares de sa voiture et plutôt que d'appuyer sur le petit bouton, il préfère arracher les câbles, moi, je dis, ça, c'est un homme qui a les couilles quand même. Mais j'ai même pas noté ça. Et que ça sert strictement à rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais je crois qu'il retire un câble. Il invente des histoires dans la tête quand il regarde un film. Mais entièrement, tu regarderas à nouveau. Non, mais je crois qu'il casse les deux ampoules à coups de batte, mais il arrache pas les câbles. Il arrache les câbles. Non, il appuie sur un bouton. Mais non, il appuie pas tout sur un bouton. Il est en plein phare, le mec, il baisse. Non, je t'assure. Feu de position. Et même après, il rebranche. Et enfin, vous verrez. Sachez, je confirme Antoine, je l'ai aussi vu. Il arrache les câbles. Il arrache les câbles. Ah ok. Bon bah ça marche. En tout cas, c'est important de le dire parce qu'en plus, jusqu'au 15 marche, c'est Speedy pour deux câbles, pour deux câbles de luminaire de voiture achetée. Le troisième est offert. Alors c'est on passe clair, à. On est déjà des placements de produits. On va passer à la question sur le film. La science-fiction intimiste est-elle un nouveau genre cinématographique? On t'écoute, Béa. Je ne sais pas si c'est un nouveau genre cinématographique. En tout cas. Bah dans ce film, en fait, il y a au moins une heure avant qu'on sache un peu où ça va, ce qu'il en est. Donc, ok, c'est peut-être un nouveau genre cinématographique, mais l'intimiste, du coup, voilà, on perd un peu en action, dans l'histoire. Enfin, moi, ça m'a un peu perdu. Ouais, j'ai pas trouvé ça désagréable à regarder parce que il y a toute l'esthétique du film, mais voilà, justement, ce côté un peu trop. Intimiste, en tout cas perd dans le côté science-fiction qui peut justement avoir ce côté un peu excitant. Kamel, est-ce que toi tu penses que c'est un nouveau genre la SF intimiste? Et déjà, est-ce que t'es d'accord que ce film est un film de SF intimiste? Intimiste, je vais dire oui. Très bien. Mais non, mais sinon. Un point pour Kamel. Après, un nouveau genre, je pense pas. Après, je pense qu'il est plutôt. Enfin, s'il est bien traité, ça pourrait être intéressant. Mais là, encore une fois, je vais me répéter, mais si c'est maltraité, ça peut vite être long et lent. Mm. Et du coup, ça perd rapidement son intérêt. Pour resituer, moi, ce que j'appelle SF intimiste, par exemple, c'est un film comme Signe de Night Shyamalan. Je trouve que c'est. On n'a pas toutes les États-Unis qui se mobilisent pour arrêter des extraterrestres. Non, on a le point de vue d'une famille. Et là, on a le point de vue de. Il n'y a pas de spectaculaire, en fait. Enfin, il y en a, mais du coup, c'est un peu plus inattendu parce qu'il y a quand même des très belles scènes assez spectaculaires dans Midnight Special. Vas-y, Tristan, je te laisse poursuivre. Mais en fait, je trouve que le mix, il est vraiment super intéressant. Et, T'as dit la même chose sur le dernier album de David Guetta. je trouve que c'est hyper intéressant parce que d'un côté, du coup, t'as une espèce de drame familial mixé à un thriller un peu surnaturel. Et on voit pas ça souvent. Et moi, je trouve que voilà, ça, il y a un truc qui se passe quand tu regardes ce genre de film. Et voilà, c'est beau à regarder. Et moi, ça m'a vraiment touché. Voilà. Antoine? Moi, je trouve que c'est très intéressant comme thème, ce côté intimiste. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans Midnight Special, c'est que du coup, on évite un peu tous les poncifs de ce genre de truc quand t'as un gamin qui a des super pouvoirs, genre. Vas-y tout de suite, on va expliquer trois quarts d'heure, les gens vont essayer de le prendre pour lui prendre ses pouvoirs, ouais. On va venir le libérer, machin et tout. Non mais en fait, c'est traité de manière très rapide, on nous casse pas les couilles avec ça. Mais Béa a froncé des sourcils, et quand Béa fronce des sourcils, je lui donne la parole, Béa. Non mais je suis d'accord avec toi, mais du coup, ou alors je suis vraiment passée à côté de l'histoire, mais... Non mais c'est ça l'histoire, mais on le justifie pas, c'est ça que veut dire oui, Antoine. Voilà, c'est ça. Ils veulent utiliser les pouvoirs, mais on n'est pas en train de savoir pourquoi. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il y a un décalage en fait, au-delà du côté intimiste. Le problème c'est que ça l'intrigue principale. Ouais. C'est que ce qui fait qu'on regarde, on se dit, bah tiens, pourquoi ils veulent le protéger, et je trouve qu'ils le disent trop tard en fait. Ouais, ils veulent tellement justement cacher ça. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que je trouve que c'est la qualité du film. Moi, la protection. Ah, bah moi, je trouve que c'est un défaut. Justement, ouais, parce que, du coup, la protection du petit. On attente énorme. Et du coup, parce que c'est vraiment très intimiste. Et du coup, il y a la révélation finale. L'attente est énorme par rapport à l'attente qui est longue. Et tu dis, bah, et donc, du coup, de façon très surprenante, je suis complètement d'accord avec Camille. Très surprenante. Bah, on a, alors pareil, encore une fois, pour ceux qui ne regardent pas sur Facebook Live le direct de l'émission, on a la table qui est littéralement scindée en deux. Hein, on aurait pu demander au petit, comment il s'appelle ce petit Alton. Connard là, Alton, de diviser la table en deux parce que c'est un vrai choix artistique. Moi, je trouve que c'est un effet de style en fait, ça. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié. Et nous, de notre côté, c'est ce qu'on a apprécié. Et Kamel et Béa, c'est ce qu'ils n'ont pas apprécié. Donc, on va conclure là-dessus sur ce film. Et on va passer à un film de fou, vous l'avez entendu. On va parler de Ratchet et Clank. Ratchet, donc un jeune Lombax mécanicien qui rêve de devenir Ranger Galactique. Et oui. Une profession qui existe, fait une rencontre qui bouleversera sa vie, celle de Clank, un petit robot doté d'une âme et d'une grande intelligence. À eux deux, ils cherchent un moyen d'arrêter les deux méchants du film, le président Drake ainsi que le docteur Nefarious. Alors je pense qu'il y a eu un petit boycott de ce film autour de la table, parce que seul Béa, moi-même et Antoine avons regardé ce film. Donc je vais commencer par Antoine, à qui j'ai coupé la chic juste avant. Oui, aucun qu'est-ce que souci. Tu as pensé de ce film? Je sais que tu as adoré. Ouais, exactement, c'est un film fabuleux avec que des bons non, franchement, avec c'est... la voix de Sylvester Stallone. Exactement. Non, c'est un peu honteux en fait. Moi j'ai eu beaucoup de mal à regarder ce film et à l'apprécier. Je trouve qu'en fait c'est vraiment du mauvais film d'animation. C'est du film d'animation qui est là juste pour se vendre aux enfants et qui fait toutes les blagues qui, à mon avis, il faut éviter de faire sur une nouvelle technologie. Enfin, c'est des blagues de vieux sur une nouvelle technologie, donc c'est insupportable. Un petit peu, ouais. C'est insupportable. Et l'histoire, franchement, on n'a aucun intérêt. Les personnages ne sont pas intéressants. L'histoire n'est pas intéressante. Elle pourrait se régler en 3 secondes dès le début. Et... Bah, je suis d'accord à moitié, donc je vais rapidement donner mon avis vu qu'on n'est pas beaucoup à avoir vu le film, puis après je vais interroger Béa. Toi, t'es fan du jeu vidéo à la base. Moi, j'adore le jeu vidéo, ouais, c'est vraiment une série qui me plaît. Cool, hein. Et les jeux vidéo sont cool, et là, effectivement, il y avait des redites et c'était et pas t'es aussi fan de Rosario Dawson qui prête sa voix. Mais j'ai regardé en version française pour voir ce que donnait Squeezie. Oui, il y a ça aussi, ça c'est dur ça. Mais entre Squeezie et Rosario Dawson. Ouais. Je choisis Rosario Dawson, il n'y a pas aucune surprise. Mais en fait, j'ai eu l'impression de jouer une vieille VHS, en fait, un espèce de film comme on faisait au début des films d'animation sans trop d'envergure, quoique Toy Story est un des premiers films d'animation et il a de l'envergure. Et du coup, j'ai eu le sentiment que je crois que c'est pour les 2 et plus, et ça correspond entre 2 et 5 ans. On doit kiffer ce film, mais malheureusement, il apporte pas grand chose. Il apporte pas. Le gamin peut pas s'élever en regardant Ratchet et Clank. Béa, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Bah, que c'est à partir de 3 ans. Ouais. Oui, j'ai pas grand chose à dire dessus. Alors, je connaissais pas les jeux vidéo. Enfin, voilà, j'y ai pas joué. Bon, ça, du coup, ça m'évoquait rien particulièrement. Bon, j'ai pas trouvé. Bon, je sais pas s'il y a grand chose à dire dessus. du coup, je suis pas aussi dur que toi, Antoine. Tu n'as pas retrouvé ton âme d'enfant non plus. Pas du tout, alors que je suis plutôt bon public en général. Mais là, non, j'ai trouvé ça sympathique. Je me suis dit, si on a 3 ans, c'est peut-être sympa, j'en sais rien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Est-ce que quelqu'un a 3 ans autour de la table? Non, mais par rapport à. Moi, je suis né directement à 6 ans, donc je sais. Bah oui, mais je sais, c'est une histoire ça. Après, par rapport à un film de science-fiction pour enfants, je me dis, ça fait le job. Voilà. Et bien, ça fait le job. Excusez-moi, à chaque fois, je recentre sur la thématique. Mais t'as bien raison, podcast, Béa. Et ça t'honore, et toutes les réactions autour de Parents Péloche ont été du sur les internets. À ton égard. ça se bouscule sur les internets. Alors la question a un rapport avec ce qu'on vient de dire, et du coup je vais réinviter Kamel et Tristan dans le débat. La science-fiction pour enfants peut-elle apporter quelque chose au genre? Bon, c'est une question orientée parce que visiblement Ratchet et Clank, bon, non. Tristan, tu as quelque chose à dire là-dessus? Je sais pas, depuis Spy Kids, moi je me suis arrêté. Spy Kids, putain, c'est vrai ça. Eh, on n'est plus tout jeune, hein. Alors, t'as rien d'autre chaud à dire que ça. Mais c'était pas très bien. Kamel, toi, est-ce que tu penses que la science-fiction pour enfants peut apporter quelque chose? Vas-y, Kamel. Non, je ne pense pas. Kamel ne s'exprime pas là-dessus. Spy Kids avec Malcolm? Non. Ouais. Non, il y avait Malcolm. Si, il y en a un avec Frankie Muniz, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Les deux enfants d'ailleurs qui sont devenus rien du tout. Antoine. C'est difficile comme question vu que le dernier en tête que j'ai, c'est Ratchet & Clank, je pense qu'il n'apporte rien, mais globalement, je pense. Peut-être que... citer des films, hein. Buzz l'éclair, le film, bon, qui est un peu plus vieux. Ouais, non, mais regarde, même Toy Story en soi, c'est de la science-fiction. Mais j'en ai un énorme, moi. C'est beaucoup très... plus, parce que Toy Story, ouais, c'est contestable. Parce que c'est peut-être vrai tout ça. Qui en est pour ça? Non, il y a Wally. Wally, c'est fabuleux. Wally, c'est la science-fiction, c'est fabuleux. Et ça, là, pour le coup, moi, ça donne tout ce qu'un film d'animation doit donner pour moi aux enfants. Bon, déjà, une double lecture, donc ça, c'est intéressant pour les adultes. Et surtout, le moyen de faire réfléchir un enfant, parce qu'un enfant, c'est pas juste quelqu'un qui absorbe les choses, au contraire. Il y a une certaine morale aussi qui en sort, un peu comme les fables des vieux, hein, les fables de La Fontaine. Ouais, non, mais clairement, tout est fable de La Fontaine aujourd'hui. Oui, dans toute histoire. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, qu'il faut garder dans un film d'animation et qu'on n'a pas du tout dans Ratchet & Clank. Dans Ratchet & Clank, on l'a pas. On va passer à Ex Machina, film britannique de Alex Garland. Ex Machina raconte les aventures de Caleb, 26 ans, qui gagne un concours au sein de son entreprise pour passer une semaine dans un lieu retiré en montagne appartenant à Nathan, le PDG solitaire de son entreprise. Une fois sur place, Nathan lui présente le véritable but de sa venue. Il va participer à un test face à une intelligence artificielle nommée Ava pour déterminer si cette machine a ou non une conscience. Une fois de plus, on est très partagé sur ce film autour de la table. Autant le dire tout de suite, moi j'ai adoré, et on va passer à quelqu'un qui a également adoré puisqu'il m'a suggéré ce film. Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? J'ai spoilé sur ce que tu avais pensé de ce film. C'est fou, hein. En plus, je l'adorais, mais j'ai quand même une réserve pour des différentes raisons. Mais non, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film d'anticipation, en fait. L'anticipation qui, pour moi, qui fait partie intégrante de la science-fiction, c'est tout ce qui pourrait arriver prochainement. Et non, je trouve que c'est bien abordé, que l'ambiance est ouf, que le graphisme est assez impressionnant. C'est très simpliste, au final. Encore une fois, on est dans l'intimiste. Hein, on est dans un... Ouais, voilà, c'est très intimiste. Et vraiment intéressant. Avec le sujet est bien traité, voilà, je pense. Tristan, qui lui... Tu compares avec la série Black Mirror, toi, non? C'est pas toi qui compares. Ah non, c'est moi. Ça, c'est non, Béa. Non, mais on va dire que c'est la séquence. Je spoil. Non, je pourrais le comparer à une belle bouse. Alors voilà, Tristan a détesté. Tristan, si. Vas-y, qu'est-ce que tu as à dire sur ce film que tu n'as pas aimé? Non, je me suis ennuyé, enfin, clairement. Je m'attendais à quelque chose de bien parce que tu m'en avais déjà parlé juste avant, mais non, je me suis carrément ennuyé. Je trouve que le méchant est pas forcément méchant et pas très intéressant. Et non, je sais pas, ça prend pas. Enfin, y a pas donc de... t'as pas aimé, sachant que c'est quand même Antoine qui a suggéré qu'il y ait ce film dans la liste. Donc tu as le droit. Tu as le droit de non, donner. Je pense qu'on l'écoutera plus la prochaine fois. Après, ouais. C'est tout. Hein. Mais tu peux lui faire une insulte, mais je veux que ce soit une insulte de science-fiction. Ah oui, je t'écoute. J'en ai une. Hein. Même dans l'espace, t'es relou. Alors qu'il n'y a pas de gravité. c'est très drôle. Béa, du coup. On t'écoute. Alors moi j'ai plutôt bien aimé pendant que je le regardais. Par contre. Et après pas du tout. Mais en fait c'est ça. En fait après j'ai réfléchi. Au plus j'ai réfléchi, au plus je me dis c'est pas bien comme film. Voilà, c'est bizarre. En fait mais... faut pas réfléchir. Voilà. Faut le regarder. Non mais alors effectivement moi ça m'a fait penser à un épisode de Black Mirror. J'aime beaucoup la série Black Mirror. Après, je me suis dit, bah oui, ça aurait pu tenir sur une heure. Il n'y avait pas de quoi en faire une heure et demie. Après, je trouve le sujet intéressant. Ça revisite un peu le mythe de Frankenstein avec voilà la créature qui veut reprendre sa liberté. Enfin voilà, c'est très bien. Donc le sujet intéressant et très esthétique, effectivement. Mais bon voilà. Ça a eu l'Oscar 2016 des meilleurs effets visuels apparemment. Il en reste pas grand chose. Pardon ? Des effets visuels ? Oscar 2016 des meilleurs effets visuels. Enfin... Ah bon ? Et ça, c'est visiblement une vraie info. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup parce que je trouve qu'on cherche trop dans les effets visuels la grandiloquence et ici on est plus sur la justesse. Donc je suis assez content d'apprendre ça. À quel moment c'est beau, mais j'ai pas été ébahi devant. Si, la... Alors toi qui a aimé The Neon Demon, du coup je comprends pas pourquoi t'as pas aimé ce film parce que franchement ça m'y a fait penser un petit peu. Ouais, il y a de la femme à poil, on va pas se mentir. Pour ceux qui veulent voir. Pas trop. Enfin, j'ai pas du tout vu le rapport avec The Neon Demon. Non, visuellement tu veux dire? Visuellement, ouais. C'est bon, on va dire c'était que... plat, c'était ennuyant. Oui, c'est exactement ce que j'ai pensé de The Neon Demon. Après peut-être que si je l'avais vu au ciné c'est toujours pareil, mais peut-être que si j'avais vu au ciné ça aurait été mieux. C'est comme Spy Kids justement, moi je l'ai vu au ciné. J'ai vachement plus kiffé. Kamel, qu'est-ce que t'as pensé moi, de Spy Kids? Moi, film que j'ai aimé, tu l'as pas vu? Si, je l'ai vu. Okay. Ah oui, grande surprise. Oui, donc j'ai aimé, donc justement, de voir la relation entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. J'aurais aimé que la relation soit plus poussée, je parle pas de sexe, mais que ce soit plus profond, beaucoup plus traité. Tu parles pas de sexe non plus, là? Non plus. C'est pour ça que je l'ai dit avant. Après, oui, je te rejoins, Tristan, sur le côté un peu caricatural du méchant, le surdoué, un petit peu hippie, qui est un peu cool. Alors, méchant, pas méchant. Méchant, pas méchant, mais qui est quand même un sacré. C'est chacun qui se donne son avis. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai eu. C'est pareil, c'est cette phrase. C'est l'impression que j'en ai eu, en tout cas. Ah, il est pas impressionnant. Enfin, franchement, c'est. Ah mais c'est horrible. Non, mais je vous laisse parler. Hein, en tout cas, voilà, d'aimer ce genre de film. Moi, c'est ça génial. C'est rien d'important. C'est le petit jeu. On en a pas entendu parler à l'époque, c'est pas pour rien, quoi. Enfin, pour moi, il y avait carrément clairement le rôle du méchant, manipulateur. Donc, on pourrait croire qu'il est gentil. Mais voilà, un petit peu trop caricatural. J'aurais aimé qu'il soit plus travaillé que ça. Mais mis à part ça, c'est un film que j'ai bien aimé, justement, par rapport à cette relation qui a installé entre l'IA et l'intelligence qui humaine. Qui prend le temps pour s'installer. Et justement, et qui met le doute aussi au spectateur en se disant, bah, tiens, est-ce qu'elle bluffe ou pas? C'est là toute la question. On reproche du film à pas mal de films, par exemple, notamment de super-héros, bon, un genre qu'on traite pas aujourd'hui, où on n'installe pas les relations entre les personnages. Là, on doit installer des relations, on prend le temps dans Ex Machina. Et moi, j'ai trouvé le celui que vous appelez le méchant, on ne sait pas vraiment dire s'il est méchant ou pas, j'ai justement trouvé, encore une fois, que c'était un rôle tout en nuances. C'est pas un film qu'on a l'habitude de voir, un film SF qu'on a l'habitude de voir. Toi, on est d'accord. Peut-être dû au fait qu'il soit britannique, parce que tu dis on n'a pas trop entendu parler, c'est aussi peut-être dû au fait qu'il soit britannique. Béa, ouais. Tu veux réagir là-dessus? Oui, on aurait pu, je pense, le mettre dans les thrillers aussi de la fois voilà, dernière. C'est ça. En fait, c'est un huis clos. Mais pourquoi de pas Midnight Special, hein. Mais on est sur un thriller aussi. Hein. Traité comme un thriller. Donc, ouais. Surtout qu'on est un huis clos, t'as dit. Ouais. Surtout, un, bah, surtout oui. Que c'est un huis clos. Mmh. Et donc, je disais Midnight Special aussi. Hein. On est à la frontière ouais. Du thriller. Hein. Mais il n'y avait pas de tension. Bah, j'ai pas eu de tension. Tu parles d'Ex Machina ? Oui, oui. Pour moi, c'est un film sur la tension. Il n'y a que de la tension tout le long du film. Le héros qui ne sait pas pourquoi il est là. Mais j'étais pas tendu. Quand tu dis film. Quand tu dis tension, tu parles pas de sexe. Là, je parlais de sexe en fait. Donc, ah, d'accord. Oui. Là, je suis tendu. Mais à coup pas. Donc, on a un robot. On a une histoire sur la robotique. Donc, ma question est la suivante. Le sujet de la robotique peut-il encore être traité au cinéma ? Il y a eu énormément de films sur la robotique, sur les lois de. Asimov. On revient toujours aux mêmes questions. Un robot a-t-il une conscience? Un robot peut-il avoir le libre arbitre? Un robot peut-il prendre des décisions tout seul, donc avoir le libre arbitre, je viens de le dire. voilà, est-ce qu'on peut encore traiter ce sujet de cinéma? Béa. Je suis désolée, je vais encore répondre à la même chose, mais oui, on peut tout traiter si c'est bien fait. Il y a encore plein de choses à faire. Ouais. C'est ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à certains scénarios, c'est que ça se renouvelle pas beaucoup, alors qu'il y a certainement plein de choses à faire. Donc oui, j'attends un nouveau film de robot. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de répétitions au cinéma. Tristan parlait juste avant l'émission, Air Bud 6, c'est le Air Bud de... c'est le Air Bud de trop. Air Bud fait du ping-pong, bon, ça saute tout le monde. Kamel, la robotique au cinéma, qu'est-ce que... Oui, la réponse est dans le podcast, justement, la preuve avec Ex Machina. Désolé, Tristan. Excellent. Et ça, c'est pour ce genre. C'est direct, ça. Mais dans le 1000 et 1000. Désolé, Tristan. Pas de Mac. C'était pour toi, Tristan. Bah, Tristan, on te laisse répondre avec ton flow habituel. Vas-y, battle. Petit qu'est-ce beatbox. Que t'as répondu? Non, mais je vais me répéter encore. Non, mais enfin. Après, c'est peut-être que ça m'intéresse pas aussi. Ben voilà, le genre de science-fiction avec des robots, ça m'intéresse peut-être pas. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Tu as perdu ce rap aussi. Contest avec Kamel et on passe à Antoine. Moi, je pense qu'en fait. Tu t'y connais bien, toi, en plus, non? En robot? T'as eu un Minitel? Ou en rap? Non. Vas-y, pardon. Non, si, j'ai eu deux Minitel. Un Tamagotchi. Et un Tamagotchi. Plus sérieusement, je pense qu'on est dans la bonne époque pour encore faire des films de robots. Parce que c'est comme même de l'anticipation, on arrive quand même à faire des trucs de plus en plus ouf, et le jour où on arrivera à avoir des robots qui pourront répondre à toutes ces questions que le cinéma nous pose aujourd'hui, et ben on pourra plus faire de films robots, tout simplement. Ou alors on fera des films sur des robots nuls. Bah ce sera plus de la science-fiction, surtout voilà. Ce sera nos vies. Exactement. Et pour ceux qui aiment ce sujet, je conseille à tout le monde la série Real Humans. Ah, mais ouais, oui, très bien. Qui était excellente et qui, à mon avis, ressemble un petit peu à Black Mirror sur certains aspects. Oui, carrément. On va passer à un petit film qui a un petit peu fait parler de lui l'année dernière. Je pense que Béa, pour l'instant, s'en fout, mais dans deux secondes, va plus s'en foutre. Il s'agit de Rogue One et Star Wars Story. Alors ça c'était Béa quand elle jouit. Et ce qui est marrant c'est que les lamentins d'Amérique du Sud font exactement le même bruit pendant une saillie. Tu passeras d'ailleurs un son de lamentins. J'essaie de trouver ça d'ici la fin du podcast. Ah bah voilà, c'est bon. On l'a. Antoine, imitateur d'animaux sur son temps libre. Rogue One, cet opus se déroule entre l'épisode 3 et 4 de Star Wars et nous raconte comment l'Alliance Rebelle a pris possession des plans de l'Étoile Noire. Fin du synopsis, je me suis pas fait chier. Rogue One, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? C'est sympa, mais j'ai pas trop aimé. Globalement, c'est juste. T'es pas sérieux. Il ose même pas me regarder quand tu dis ça. Il ose pas me regarder. Non, mais en fait. Béa, tu poses ce flingue, s'il te plaît. C'est pas le lieu ni le moment. Mais par contre, et Antoine, tu poses ce whisky parce que là, faut arrêter. Parlons picole, hein, bientôt. Non, clairement, moi, il y a beaucoup de choses qui me gênent. Je trouve le scénario un peu... caduc. Un peu, un peu caduque. Bah oui, justement, on s'intéresse sur ce qui se passe durant une ellipse, quoi, de temps. Donc en gros, on pourrait faire le même film sur un gars qui sort de chez lui et qui descend, et on se demande, tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah en fait, il a descendu. Non, mais en fait, tu prends vraiment jamais de plaisir devant les films. Non, mais c'est fou. Et puis là, tu viens de raconter le synopsis de La Moustache, le film avec Vincent Lavin. Les frères d'Ardenne. Voilà, quoi. En gros, bon, après, les acteurs jouent bien et c'est cool, mais c'est très beau aussi. Mais enfin, il y a trop de choses. Après, il y a trop de détails qui me gênent. Genre, pourquoi envoyer une unité de 5 gars attaquer un gars dans une base? Il a compté. Pour ensuite. Non, mais pour ensuite ils balancer. Étaient, balancer. Ils étaient 6. Bah, 6 gars si tu veux pour ensuite. Non, Mito, c'est vrai. Il est baisé. Tain, c'est que je suis en loup, mais c'est rien. Et il nous a bien mouché le camel. Pour ensuite balancer un bombardement de X-Wing. Et on passe au suivant. Donc voilà, Antoine qui est relou comme d'habitude. Voilà. Tristan, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Et je l'ai pas vu. Donc Mais vraiment. Ouais, tu perds rien. Je vais pleurer. Non, très bien. Parfait. Bah je m'attendais pas à autant apprécier le film, c'était très bien. C'était très bien. C'était appréciable. C'était appréciable. J'ai apprécié. Qualitativement, c'était qualitatif. C'était très bien. Non, mais faut arrêter d'être relou, Antoine. Enfin, la meilleure défense, c'est l'attaque. T'as juste à kiffer devant ce film. Enfin, tu le vois au ciné. On passe à Kamel. Alors, moi, j'ai vu Star Wars épisode 7. Et on va parler un petit peu du 7 du coup. Mais non. Pas du tout. T'as pas vu Rogue One? Si, j'ai vu Rogue One. En fait, moi, j'ai vu. Pourquoi je parle du 7? Parce que le 7, je l'ai vu, j'ai pas du tout aimé pour. C'était vraiment une grosse bouse. D'accord. Et je suis parti voir Rogue One avec beaucoup d'appréhension et j'ai été agréablement surpris en fait de voir cet épisode. Toujours du coup le plaisir de voir l'univers de Star Wars. Je trouve ça justement pas gênant en fait, comme on le sait à l'avance en fait, c'est un pont entre le 3 et le 5. Donc c'est que comment dire le parti qui est pris dès le début. Ouais, donc c'est le 4 du coup. 4. Entre le 3 et le 4, ouais, voilà, entre le 3 et le 4. C'est un 3 et demi en fait. Ouais, voilà, un 3 et demi. Bah, comme c'est prévu à l'avance, tu te dis c'est pas dérangeant qu'ils expliquent l'ellipse en fait. Oui, voilà, non mais après ils auraient pu un peu plus se poser sur le scénario parce que là il tient pas la route. Tu peux lui couper son micro. Je reçois un tweet. Coupe son micro s'il un te plaît. Tweet en direct. Ouais, ta gueule. sur le tweet. Et puis maintenant. Attends, de maintenant, tu ne pas jouer de toi. Maintenant. Passengers de. On va écouter. Moi ça me va. Et moi ça me va, ça vous va? Alors, ça me va très bien. On avance. Je vais vous dire, dans le milieu du podcast, on appelle ça faire un travail de coupe. On va avoir une demi-heure de réaction de Béa et je vais devoir sélectionner les 5 meilleures minutes. Béa sur Rogue One, Béa qui, vous l'avez compris, fan. Je vais te surprendre. Eh bien oui, monsieur, je suis de la génération Guerre des Étoiles et j'en suis fière. Vous m'avez volé mon enfance. La moitié de la France qui veut plus de pécho. Ça vient de tomber. Plus sérieusement, je vais quand même vous surprendre puisque effectivement, je suis très peu objective sur Star Wars. Je suis normalement forcément, j'adore. Et là, j'ai quand même des réserves. Je veux juste couper Béa 2 secondes. Bah oui. Non mais d'habitude on fait ça à la fin du podcast. Kamel qui se verse un chef s'agrume qui fait énormément de bruit. Mais c'est aussi ça, parlons Béloche. Ce n'est pas que boire du whisky. Hein. Je suis pas fait exprès. Allez, Antoine qui s'en va, qui quitte le plateau. C'est mon appart en fait, hein, c'est pas un plateau. Béa, on t'a coupé en plein milieu. Donc tu disais que tu n'étais pas objectif. Tu disais que t'étais pas objectif sur Star Wars. J'ai pas écouté depuis le début. Il s'est dit quoi? Elle doit être trop deck parce que je vais vraiment la couper, elle pourra rien dire. Mais t'as aimé, bordel de merde. Mais pas tant que ça, j'ai des réserves, j'aimerais bien vous les donner. Vas-y, t'en as. Alors, une liste de 70 points, je vois sur ta table, c'est beaucoup trop long. En 3 points, 3 réserves. Allez, Béa. La première heure est inutile. Ouais. C'est fort quand même pour quelqu'un qui adore Star Wars. Deuxième, merci, je vois sur ton papier l'absence de Jar Jar Binks, je vois. Non, mais là, elle aime pas cette vanne, c'est ouf. Il y a des trucs, faut pas déconner quoi. Enfin, vraiment, faut faire attention. Mais là, enfin, c'est dangereux ce que vous faites. Mais bon, voilà. Je sais, on joue avec nos vies. Non, mais la deuxième heure est juste extraordinaire. Enfin, voilà, c'est une scène de bataille. Ça dure une heure, c'est non-stop. Ça reprend en plus tout l'univers de Star Wars. Enfin, Pour moi, c'est la meilleure scène de bataille depuis la scène de Seigneur des Anneaux, les deux tours, la bataille du gouffre de Helm. Voilà. Et voilà, vas-y, Béa. Donc je vais faire un petit compliment en plus. Et du coup, non, je trouve ce film par contre assez parfait, dans le sens où il s'imbrique vraiment bien juste avant l'épisode 4. On connaît de toute façon la fin de ce film. Et donc ça, et c'est pour ça que je dis que la première heure finalement sert pas à grand chose, parce que ça nous construit les personnages. Voilà. Mais la deuxième heure est tellement forte que je trouve à la sortie du film, on parvient à oublier que cette première heure un poil plus possible. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Je sais que tu en as pour une heure. Mais c'est pour ça que je vais me restreindre. Non, ça m'a quand même dérangé aussi. Alors, il y a deux choses qui m'ont dérangé. C'est qu'on ne retrouve pas la musique de Star Wars, parce que ouais. C'est pour ça que, ok, tu parles de Star Wars 7, mais ça reste quand même une autre partie de l'histoire de Star Wars. Et petit point anecdote là-dessus, parce que je l'ai déjà dit à Béa et Tristan en antenne, mais John Williams, donc compositeur historique des musiques de Star Wars, a avoué qu'il n'avait jamais vu un seul Star Wars en entier. Oh, je trouve cette anecdote assez fou. What the fuck, comme la chronique d'Antoine de fin d'émission. Et la deuxième chose, c'est que l'apparition de il y a Dark Vador dedans, ouais, qui apparaît, et on en a parlé aussi. Voilà, je trouve que ça se voit qu'il n'a pas la prestance et que c'est pas le vrai. Voilà. Alors, et ça m'a dérangé. On l'a pas mal entendu. La claque. Ah, moi, eh je suis... bah oui. Eh non, bah mais oui. Visuellement, c'est très fort, mais dans sa manière d'interpréter. Bah, c'est dans la bande-annonce. Ok, donc, bah, la scène de Vador, la claque. La scène de. Non, non, ah oui. La première, quand il apparaît, quand il rentre, on commence à partir doucement vers le spoil. Mais c'est dans son jeu que Béa a trouvé ça. Dans son jeu. Non, mais Dark Vador, quand il apparaît, c'est clair, à un moment donné, c'est un des personnages les plus emblématiques, voire le plus emblématique du cinéma. Et puis t'as ça c'est excellent, hein, mais c'est dans la façon de jouer en fait, dans l'incarnation. Mais en même temps, à sa décharge, il est censé incarner un Dark Vador un peu plus jeune, c'est vrai, donc moins sûr de lui, Dark Vador qui galérait à choper de la nénette, comme on dit. On va poser une question sur ce film. Aujourd'hui, donc on a Star Wars, on a Star Trek encore, qui est une série culte de SF. Peut-on espérer voir une nouvelle série SF culte naître dans les prochaines années? Béa, tu vas enchaîner encore. Je crois que je vais répondre pareil à toutes tes questions. Mais oui, évidemment qu'il faut qu'il y ait une nouvelle. On peut, évidemment, il va y en avoir. Hunger Games. Bon, écoute, c'est fini, Hunger Games. On va arrêter de parler de Hunger Games. Le labyrinthe. C'est quoi le truc là? Je l'ai plus. Fast and Furious. Non. Divergente. Divergente. C'est ça que tu cherches. Nos étoiles contraires. Alors, Amour de Haneke. Kamel, est-ce que je pense que t'as tout dit, hein. Donc, du non coup, mais en fait je pense à Valériane par exemple de Luc Besson qui va apparaître, ou franchement qui pourrait avoir autant de succès. La bande annonce donne envie. Valériane est une BD qui a pas mal fonctionné. Est-ce que ça peut être le prochain la prochaine bonne série SF au cinéma? Enfin, j'aimerais y croire, mais j'ai du mal à y croire. J'aimerais y croire. Bon, il a quand même l'air de s'être bougé un peu le cul là cette fois-ci. Enfin, ça fait quand même plusieurs années que Luc Besson c'est un peu en dessous. Et s'il pouvait sortir une super trilogie à la française, ça serait ouf. S'il faisait une suite à Spy Kids. Ah. Mais merde, il va arrêter avec ça. On va passer à Passengers maintenant. Passengers, donc film de Morten Tildum qui est connu pour avoir fait. Eh ben rien d'autre que ça. Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l'espace vers une nouvelle planète. Deux d'entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l'idée de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Qu'avez-vous pensé de ce film autour de la table? Tristan l'a pas vu, Kamel l'a pas vu. Si, Kamel vu. L'a vu. Je suis allé au cinéma avec Kamel voir ce film. C'est vrai? Ouais. Moi je l'ai vu à 22h dans la plus grande salle du cinéma et j'étais seul. Donc j'étais vachement en empathie avec les personnages de Passengers. Béa, allez. Béa, qu'as-tu pensé de ce film? Sympathique. Non, non, j'ai trouvé que c'était un. Alors, pour moi, c'est pas. Voilà. Ok, ça se passe dans l'espace. Ok, c'est une histoire de science-fiction, mais c'est avant tout une histoire d'amour qui se passe dans l'espace. Donc, plus que. Voilà. Une romance spatiale. C'est, voilà, tout Space Oddity. pour moi, c'est plus que ça, parce que justement. Si le mec avait le choix, il n'y a pas vraiment choisi de tomber amoureux, c'est par désespoir, parce qu'il est seul. Donc c'est plus un film sur un homme qui est seul. Ouais. Enfin, comment il peut réagir au bout d'un certain temps? Parce qu'à la base, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est de bonne morale, qui a une bonne morale. Ouais. Et à quel point, justement... Un gars sûr. Un gars sûr. Et comment on peut devenir, justement, après tant de solitude? Vas-y, Béa. En fait... Je te laisse répondre, Béa. Ouais, c'est parce que moi la différence c'est que je coupe pas quoi. Oh, oh, ça taille. 1-0 pour Béa. Rap contest, j'aime voler. J'ai jamais assisté à un rap contest, donc je connais pas le son lexical. Béa, je m'excuse, pardon. Vraiment désolé, Béa. Pardon. Excuse. Non, en fait, c'est l'intérêt de qui aurait pu avoir ce film. En fait, c'est un peu dommage que le film prenne la direction de l'histoire d'amour, ouais. Parce qu'effectivement, toute la première partie avec la question de est-ce que je réveille, est-ce que je réveille pas, est-ce que je dois être tout seul ou pas. Enfin, c'est ça qui est intéressant et c'est cette thématique qui est intéressante plus que l'histoire d'amour après, qui en fait un film sympathique. Oui, non, juste pour rebondir, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un film sur l'histoire d'amour, parce que toute cette belle question qui est posée, elle est un peu expédiée, en fait. Mm. En 15 minutes, c'est expédié, alors qu'ils auraient pu faire durer ça plus longtemps, nous donner plus un référentiel de temps, qu'on se rende compte du temps qui passe. Mm. C'est une chose qu'on a du mal à se rendre compte, parce que c'est quand même un voyage de 120 ans, ils se réveillent au bout de 30 ans, machin et tout. Mm. Et on se rend pas compte, en fait, on n'a pas cette notion. Il y a quelques indices, comme quand il envoie un message à la Terre, où on dit il faudra 14 ans, je crois. Oui, d'ailleurs, mais chose qui n'est plus jamais utilisée dans le film, mais bon, ça, on va pouvoir parler. Parce que c'est 14 ans. Après, je suis d'accord aussi qu'il y a des scènes qui m'ont dérangé, qui étaient un peu niaises. Ah oui, notamment, justement, alors c'est un petit spoil qui sert pas à grand chose, donc je vais pouvoir spoiler. Quand ils sont à deux dans le vaisseau, donc il y a la voix du vaisseau qui dit venez assister à une superbe comète qui va passer. Donc, alors que normalement, personne n'est censé être réveillé. Donc, à qui parle-t-elle cette petite voix? À mon avis, elle s'est activée parce qu'elle a repéré qu'il y avait un survivant vu qu'il prenait des plateaux repas et tout. Et du coup, elle se dit « Oh bah tiens, c'est normal, je vais lui montrer la comète. » Moi, je pense que c'est juste pour faire le côté, justement, pour ajouter au côté romantique. Kamel va voir un film... C'est ce côté un peu surfait que... Moi, je pense que Kamel va voir un film avec moi et qu'il commence à retenir les détails de relou. Tu t'éteins sur lui, hein. C'est un truc de fou. Tu nous fais du mal, Antoine. On était quand même d'accord là-dessus, Antoine. On était quand même d'accord. Il y a plein de choses qui vont pas dans ce film. Même moi qui l'ai pas vu, tu m'as fait du mal. Tristan qui l'a pas vu, justement. Il y a pas eu de point gros port pour l'instant depuis le début. Donc, qu'est-ce que tu penses du cul de Jennifer Lawrence? Oh mon dieu. Non, je suis pas fan, pardon. Il n'est pas fan du cul de Jennifer Lawrence, ce sera... Je t'ai dit, t'aurais dû avoir en maillot de bain. Sur cette phrase... Depuis Joy, j'ai arrêté. Hein. Pardon. Ça t'a dégoûté de toute sa personne. Donc on passe à la question sur le film Passenger. Je vais parler des histoires d'amour, donc les histoires d'amour et la science-fiction peuvent-ils faire bon ménage? Puisque là, on voit dans ce film-là, l'histoire d'amour est au centre de l'intrigue. Kamel, on va commencer par toi, puisqu'on le sait, tu es un petit peu le cœur d'artichaut de ce podcast. J'avais envie de te créer un background, je sais pas si... Je trouve que les gens connaissent pas assez à ton sujet. Bah, tant que c'est pas traité de façon trop très premier degré, trop niaise... Hein, réagis pas à mes conneries. Pardon. Vas-y. Je ne rigole pas. Voilà. Vas-y, Kamel. Pardon. Bah, tout dépend de comment est traitée la relation amoureuse. À partir du moment où c'est pas traité de façon niaise, où les gens ne se roulent pas dans la prairie... Je ne parle pas de Star Wars. J'étais sûr que c'est moche. Tant que c'est pas traité de cette façon-là, pourquoi pas? Ça peut pas être forcément incompatible. On peut penser, on va forcément mentionner un peu, même si c'est une série Stranger Things, où il y a une histoire d'amour dans l'intrigue qui est vraiment excellemment mise en place, surtout que c'est une histoire d'amour avec des enfants, c'est jamais simple à traiter, mais qui est plutôt excellente. Tristan, qu'est-ce que t'en penses, toi? En fait, moi, je déteste quand un réalisateur utilise une relation amoureuse pour ensuite amener un twist avec une mort, du coup, pour amener de la déception chez les spectateurs. Parce on que rappelle ça que Tristan n'a pas vu Passengers, donc il spoil pas, il sait pas s'il y a ça. Non, du tout, je préfère. Non, mais c'est ce qui arrive la plupart du temps, je trouve, dans les films de SF. En tout cas, ou... une peur de voir l'autre mourir, donc on va jouer avec le suspense là-dessus. On joue avec ça. T'aimes pas que ce soit utilisé à des fins mercantiles. C'est ça, quoi. C'est pas du tout la phrase. Béa, est-ce que toi tu penses de la place de l'histoire des histoires d'amour dans le genre SF? Alors moi qui suis un petit cœur qui aime beaucoup toutes les comédies romantiques, bizarrement ça m'énerve un peu quand il y a une histoire d'amour dans un film de science-fiction, enfin même dans un genre où il faut pas que l'histoire d'amour vienne perturber, vienne ralentir l'histoire, faut vraiment que ça apporte quelque chose et la plupart du temps je trouve que ça n'apporte rien. Alors c'est pas le cas dans Passengers puisque ça devient la thématique du film. Mais sinon, je trouve que ça perturbe plus que ça n'apporte quelque chose. C'est un peu comme dans la vie. Hein. C'est vrai. C'est chiant l'histoire d'amour. Ça perturbe. Mais non, Béa. Mais pour compléter ton avis sur Passengers par rapport à ça, je trouve que si la seule thématique avait été l'histoire d'amour, le film aurait été bien mieux, en fait. Donc, oui, mais c'est ça, ça fait une sorte de... Oui, c'est pour ça que je disais que c'était pas, limite, c'était pas un film de science-fiction. pour moi, c'est quand même complètement. Je veux dire, à un moment donné, on parle de cryogénisation, de voyage dans l'espace, on est complètement dans la science-fiction. Si on avait juste installé l'amour dans ce contexte, on était sur un film de SF où l'amour, où la relation d'amour était au centre et ça aurait été un bien meilleur film, encore une fois, je dis, plutôt que mettre des problématiques de vaisseaux qui fonctionnent pas, nanana et tout. On se spoil pas vu que c'est dans le synopsis, Tristan nous l'a dit. Ouais, mais je crois que je me suis groué de film en fait. Moi j'ai vu Passengers où Chris Pratt élève des vaches laitières dans le Gers. Je pense que je me suis trompé. Ah merde. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est un et très d'ailleurs, bon film. Et parlons de Chris Pratt, on n'a pas encore parlé parce que vous parlez de Jennifer Lawrence. Et il est pas mal. On l'a pas Non, Chris Pratt, et voilà. Ça, non, franchement, il me plaît. Je tenais à le dire. Bonne critique. Il me plaît. Il a changé depuis Parks and Recs quand même. Et depuis Newport Beach, hein, pour les meilleurs le savent. Où il incarnait Che. Personne n'a vu ça. On va passer à. J'ai eu un gros instant de solitude et on passe à Seul sur Mars. C'est trop marrant. Alors, film de Ridley Scott avec Matt Damon dans le rôle de Matt Damon, une fois de plus. Au cours d'une mission spatiale habitée sur Mars et à la suite d'un violent orage, l'astronaute Mark Watney est laissé pour mort et abandonné sur place par son équipage. Mais Watney a survécu et se retrouve seul sur cette planète hostile. Je vais tout de suite vous demander votre avis, mais je vous préviens. Le premier qui me fait la vanne, j'ai préféré Seul sur Twix, je le défonce. On t'a la laissé. Ouais, voilà. C'était voilà. Pour moi. Et Seul sur KitKat, ça marche pas non plus. J'en ai encore plein. Seul sur Milky Way, non. Allez, on arrête. Seul sur Smarties, je vous emmerde. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce bon film? Mais oui, je me place. Kamel. Je rigolais pour les trucs. Pardon. Merci. Et j'en avais encore plein. Et seul sur Sneakers, j'en ai plein. Je peux pas m'arrêter. Seul sur Dain. Bah non, mais Rick. Oh là là, là. Ça me fait rire. Ah, si on fait qu'une émission avec des jeux de mots. Ouais. Seul sur Toblerone. Du coup, tout le monde en cherche là, tu vois. Attends, j'en cherche un et je réponds après. Seul sur Quality Street. Bon, je crois qu'on les a tous fait, non? Ouais, on a tout fait là. Seul ouais. Sur barre chocolatée de la marque Lidl. Kamel, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Je n'ai pas encore trouvé. Seul sur Pépito. Alors ça. Seul sur Mars. Non. Ah merde. C'est perdu, on a fait le tour. Ah, et c'est perdu. Alors, donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc déjà visuellement, les effets spéciaux, super. Les petites touches d'humour qu'il y a pendant le film aussi, ouais. Qui sont bien placés, donc c'est un film qui met la pêche. Ouais, mais... qui met la patate. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah, qui mais met oui, la pêche. Mais la pourquoi patate. Tu rigoles? La patate. La patate. Qui met la patate. Qui met la patate. Bah, la, oui. Patate hein, ah, la patate, hein. Ah, la patate. Prépondérant dans le film. Bah oui. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est un film qui met la patate. Je suis super bien, la patate. Seul sur la patate. Pardon. Seul sur Bounty. Voilà. Mais non, je c'était celle qui restait. Que, donc tu as aimé Kamel. Donc voilà, ouais, donc ouais. Visuellement, le jeu des acteurs est vraiment super. Ouais, film que j'ai globalement bien aimé. Tristan. Ouais, ça commence à remonter un peu, mais dans mes souvenirs, ouais, c'était vraiment un bon film. Il y a pas mal de tension. Tu te mettais vraiment à la place de Matt Damon quand ses potes le laissent tout seul là. Ouais. Donc non, enfin c'était réussi. Et bah après Ridley Scott, hein, après, on peut pas bah, critiquer. C'est un chez petit Ridley peu Scott. Le maître on peut, du on genre. On peut critiquer quelques trucs quand même chez Ridley Scott. Non, on peut pas. Ah, on peut pas. Vas-y. Okay. Donne ta liste. Prometheus, excusez-moi. Non. Pas ah non, j'ai adoré. Ah merde. Ah non, j'ai adoré. Moi, j'ai pas on a déjà parlé avec Thomas. J'ai Exodus, adoré. Exodus. Exodus. Oh, non. Horrible. Ah, merci. Non, vous savez que. Bon, bref, c'est pas le sujet. Ridley Scott cette année donc fera la suite de Prometheus qui s'appellera Alien, je sais plus quoi. Et après, apparemment, il arrête le cinéma. Isolation. Non, que dalle. Et il se lance dans les fournitures de bureau et il s'appelait Ridley Scott. Antoine. J'ai bien aimé ce film. Bah, pour un peu les mêmes raisons que j'avais évoquées un peu pour Midnight Special, c'est qu'on évite rapidement les poncifs, c'est-à-dire que les gens se rendent très compte vite que quand même il est resté seul sur Mars. Il y a des mots mais pas dans le bon ordre. Non ouais. Si non. Très compte vite. Non, très vite compte. Ils se rendent très vite compte. On dit pas pensif, on dit pomme de terre. C'est ça. Ils sont pardon. Ils se rendent très vite compte. Ben elle est au bout du rouleau. Et du coup, on évite un peu tous les anciennes péripéties et autres problèmes qu'on pouvait croiser dans les films de SF où un mec se retrouve tout seul quelque part, quoi. Et ouais, non, après fouillé, les touches d'humour sont bien trouvées. Il y a Donald Glover, donc j'aime beaucoup, hein, El Chibi Gambino, pour ceux qui savent. Ouais, bah oui. Et voilà, non, franchement, c'était une bonne surprise. Je m'attendais pas à ça et c'était mais vraiment agréable. La solitude dans l'espace est quand même toujours assez fort. Hein. Enfin, je trouve mais que ça mais marche. Là, c'est traité. Et puis une bonne bande son aussi. Assez ouais. Intéressante, quoi. C'est ouais. Clair. Le Disco. Tu n'as pas donné ton avis sur ce film. Ouais. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un très bon divertissement. C'est effectivement un très bon Ridley Scott qui, je trouve, se perd un peu dans les différents styles. Mais bon, voilà. Là, c'était plutôt réussi. C'est un film de survie, un peu comédie, finalement. Donc ça, là aussi, je trouve que il y a plusieurs genres. Et non, voilà, j'ai... Bah, je trouve qu'on retrouve, bon, pas du tout un thriller, mais on trouve une caractéristique qu'on a dit dans le thriller la dernière fois, que Tristan avait relevé. C'est la partie empathie, en fait. On se met à la place du héros. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation? C'est le genre, moi, de trucs qui m'angoissent. Surtout lié à l'espace. Tu dis, il est dans la merde, quoi. Bah ouais, il est dans la merde. Là, non, il est vraiment dans la merde. Mais en fait, moi, ce que j'ai aimé dans Sim, c'est qu'il y a justement cette dimension d'humour qui fait que c'est ça qui le rend aussi très agréable à regarder. Après, c'est un film américain avec tous les défauts des films américains, mais toutes ses qualités également. Donc, mais là, c'est plutôt... Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Parce qu'il y a des trucs, on peut se dire, c'est abusé, même la fin notamment. Oui. Et en fait, totalement. On pardonne parce qu'on a passé un bon moment. Je suis d'accord, Ridley Scott, on a même pas bien fait de relever peut-être les films moins bien qu'il a fait, parce que Ridley Scott, il a tellement donné à la SF quand même. Il a fait Blade Runner, je lui pardonne tout. Blade Runner, Alien, enfin il faut le remercier pour tout. Ma question sur le film, issu de ce film, la thématique du voyage dans l'espace est-elle sans fin? On va essayer de répondre à cette question avec Béa. Béa, on t'écoute. Je suis désolée, je vais redire la même chose. Mais oui, pourquoi pas? Non, il y a encore plein de choses à faire sûrement. Et en plus, on va découvrir des nouvelles planètes. Voilà. Non, il y a plein de choses à faire encore dans l'espace. Alors, après, c'est vrai. Même si, alors, cela dit, ta question est bonne, Thomas. Puisque finalement, ce film, on dit tous que c'est très bien, finalement, c'est pas très original. Non. Du tout, même. Après, en plus, c'est une adaptation, donc en plus. Mais après, j'ai envie de dire, voilà, est-ce que tu vas faire seul sur Neptune, seul sur Pluton, seul sur... Tu vois, au bout d'un moment, on a recommencé, s'il te plaît. On a exploré. Seul sur Twix. on a fait Gravity perdu dans l'espace. Là, on fait perdu sur une planète. Alien, ils sont perdus. 2001, ils sont perdus. Enfin, en tout cas, ils savent. Mais à chaque fois, tu vois, tous les films que tu cites, il y a quand même un traitement différent. Donc oui, je pense qu'on peut faire encore. Ça abonde dans la réponse. Oh oui, ouais, c'est vrai, effectivement. Tout dépend du traitement. Pour moi, ça peut être infini. Tant qu'il y a de l'imagination. Donc tel l'espace, les films sur l'espace. Exactement. Ouais, chacun aura son interprétation de l'espace, chaque réalisateur. C'est juste le c'est tellement de là, l'inconnu. Fait ce qu'on veut, quoi. Ouais, tu vois, un mec qui est paumé en mer pendant tout le truc, il sait pas où il va. C'est la même chose. L'espace, c'est juste un lieu en plus. Ouais, c'est un prétexte au final. Ouais. On va passer à un film complètement différent, puisqu'on va aller sur The Lobster. Donc The Lobster, dans un futur proche, toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'hôtel et à 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants, les Solitaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Alors, un film qui a reçu, il me semble, le prix du jury au Festival de Cannes l'année où il a été présenté. Béa, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? J'ai tellement adoré. Non, vraiment, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Je ne l'avais pas vu au cinéma, donc merci Thomas de l'avoir mis dans cette sélection. Il faut savoir que ça a quand même remplacé Ghostbusters. Ghostbusters, on l'a échappé. Donc, voilà, merci d'avoir changé ta sélection. J'ai trouvé que c'était... Alors, on est dans de la science-fiction pure, vraiment, puisque... on est dans une projection de la réalité un futur proche. Et qui nous parle évidemment puisque ça parle des relations amoureuses. Enfin, j'ai trouvé ce film très original, très. Enfin, c'est un ovni. Hein. Clairement, c'est un ovni du cinéma. Comme c'est bien Jules. Pour un film de science-fiction. C'est vraiment un film de science-fiction. On l'appelle l'ovni. Kamel, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Un film que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur de la liste. Vraiment une super surprise, complètement décalé ce film. Donc c'est un mélange aussi, je dirais, de drame, de comédie, dans un univers de science-fiction. Donc voilà, beaucoup d'humour noir quand même dans ce film. Et donc voilà, il y a l'ambiance qui est bien pesante, mais à la fois un petit peu légère de temps en temps quand on voit... C'est tellement décalé que on alterne entre des sentiments de malaise et des sentiments aussi où c'est un peu plus léger, où on rit. Donc voilà, vraiment une super surprise ce film. Puis après, prestation des acteurs qui est aussi particulièrement bien étonnante. Tristan, qu'est-ce que toi t'as pensé de ce film? Je vais juste faire un petit point, par contre, juste avant, c'est vrai, parce qu'on est là aussi pour donner des notions de cinéma. Et là, sur la science-fiction, en fait, ce genre de film, on appelle ça une dystopie. Donc, on dépeint une société imaginaire. dans laquelle on a mis un espèce de, une espèce de règle qui était censée améliorer le quotidien des gens et au final qui l'empire. Tristan, donc qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Bon, on l'attendait pas mal au final quand il était sorti, parce qu'on avait vu la bande-annonce ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, juste, oui, je vais le couper toutes les 30 secondes. Juste, alors. Aujourd'hui, je vais dénoncer les bandes-annonces, je trouve qu'elles sont vraiment de plus en plus horribles au cinéma, trop longues, avec trop de choses indiquées. Et là, pour ce film, la bande-annonce était parfaite. Elle donnait juste envie d'aller voir le film, et elle n'en dévoilait vraiment pas. On l'attendait vraiment. Ouais, cette fois, je te coupe plus, Tristan, vas-y. On n'a pas été déçus. Et non, voilà, c'est super beau. Enfin, le réalisateur, il est vraiment très fort parce que les plans sont vraiment beaux, minimalistes. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il cherchait. C'est un petit côté Wes Anderson dans la façon d'être traité avec les petites musiques. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une petite inspiration quand même Wes Anderson. Bah, la bande-annonce a un gros côté Wes Anderson, ouais, et le film clairement. Un peu moins. Ouais. Et encore une précision sur le film, parce que c'est vrai qu'on a vu dans la liste pas mal d'adaptations, etc. Là, on est sur un film réalisé par Yorgos Lanthimos et co-scénarisé par Yorgos Lanthimos. Donc l'idée vient de son esprit, c'est vraiment remarquable. Ouais. Antoine. Moi, j'ai aussi aimé ce film, je pense qu'on a tous aimé en fait. Mmh. Je trouve ça très bien, c'est vraiment un traitement de la SF sur le rapport à l'humain et aux autres, c'est une cristallisation un peu des sentiments. En fait, ça nous fait poser des questions et des bonnes questions. Bah en fait, on se disait au début, hein, ça sert à anticiper des dérives de la société. Et là, on a poussé le curseur très très loin sur les relations et de dire que la norme est d'être en couple, c'est quelque chose qu'on peut voir dans la société. On est vite jugé quand on est célibataire ou célibataire de longue durée. Et ici, dans ce film, on pousse le curseur à fond pour dire c'est carrément. Ils sont mis en quarantaine au final. Ils sont mis en quarantaine, la loi peut nous pénaliser. Bah oui, alors j'ai une déception amoureuse. D'ailleurs, est-ce que ça vous pose un problème? Thomas, il est seul sur Terre. D'ailleurs, pour terminer là-dessus, ils sont bien mis en quarantaine dans l'hôtel, et quand ils vont en dehors de l'hôtel, c'est le monde actuel qu'on vit tous les jours. Bah moi, il y a vraiment une frontière, une scissure entre les deux. Il y a des scènes que je préfère. Qui crée un décalage énorme en fait. Voilà, c'est un décalage de fou, et la scène au supermarché où en fait ils se font contrôler parce qu'ils doivent justifier le fait qu'ils sont en couple, c'est une des scènes que je trouve le mieux et qui situe complètement le film en fait, parce qu'on est très dans l'hôtel. Qui explique bien donc cette dérive qui est montrée. Donc ce film qui a fait l'unanimité, ça fait plaisir. Bravo Yorgos. Je connais pas ça, c'est un gars sûr, ça. C'est un gars sûr, Yorgos. La question que je voulais poser, parce que c'est un film très caractéristique qu'on a eu dans cette sélection. Ça fait un peu nom de dessert, quoi. Tu veux du Yorgos? Yorgos Nature, Yorgos Nature 0%. Seul sur Twix. Alors, je veux la rentabiliser, cette vanne. Elle m'a coûté 20 balles sur blague.com. Alors je veux la rentabiliser. Ma question sur ce film, c'est: peut-on imaginer le genre SF sans effets spéciaux? Puisque là, il n'y a pas d'effets spéciaux dans le film, on est juste sur une dystopie, sur une anticipation. Kamel. Eh bien oui, si c'est bien réalisé, encore une fois, ça part sur un bon scénario bien original comme dans Lobster, éventuellement. Tout est possible pour moi à partir du moment où c'est bien amené, le scénario est bien solide. Et original, t'as dit original, c'est pas anodin. Tout est possible. Parce que je pense que, enfin personnellement, qu'il faut compenser l'absence d'effets spéciaux par un scénario fort, c'est exactement ce que fait The Lobster. Béa. Oui, pareil, c'est. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est de la pure science-fiction. On est bien sur une société qui est dérivée de la nôtre. Ouais. On est sur de la science-fiction et sans effets spéciaux, et c'est très bien comme ça. Donc, moi, si je peux me permettre de faire un rapprochement par rapport à un film que j'ai adoré ces dernières années, c'est le film Her de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix, où là, je trouve qu'on est dans le même genre de. Ah, je t'ai obligé de le faire. Un de plus. C'est un de mes films préférés de ces dernières années, vraiment. Et là, on est pareil sur une dénonciation de quelque chose, donc là, plutôt la dérive de rapport qu'on a avec l'intelligence artificielle et le fait que voilà. C'est vachement précis. Mais c'est un nouveau genre aussi, je trouve, dans le cinéma SF. Je dirais même que c'est un beau défi relevé, parce que la prestation est encore plus difficile de le faire sans effets spéciaux. Ouais. Ouais, là on est sur l'incarnation de personnages forts, et un gros coup de chapeau à Colin Farrell qui avait une carrière un poil en déclin et qui, je trouve, a fait un choix artistique. Qui jouait comme une moule. Après chacun. Mais en tout cas, il a fait un choix artistique fort et il a relevé le défi. Antoine. Très rapidement, oui, je pense qu'en fait, vu que le postulat de départ est fort, qu'il est bien traité, il n'y a pas besoin de faire des effets à tire-larigot, une bonne ambiance, ça fait un bon film, et notamment dans SF, quoi. Bah très bien, Antoine. Et puis tant qu'il y a Rachel Weisz. Bien. Ouais, c'est vrai que. Parce qu'on n'en parle pas des filles là, on parle que de Jennifer Lawrence. Elle est assez doux aussi. Cocorico, elle est assez française dans le film, c'est. Ouais. Et la servante Des Français dans les films de SF, ça arrive pas souvent. Et bah pourtant, on va enchaîner un deuxième film où il y en a. Jurassic World. Donc avec Omar Sy. 22 ans après l'ouverture de Jurassic Park, le plus grand parc à thème jamais construit dans l'histoire humaine, les scientifiques sous l'autorité de Claire Dehring tentent de trouver une nouvelle attraction digne de captiver les milliers de visiteurs arrivant chaque jour par bateau du Costa Rica. Deux spécimens femelles d'une nouvelle espèce de dinosaure, l'Indominus Rex, créé par l'homme, voient ainsi le jour. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jurassic World, donc suite de Jurassic Park 1, c'est de la merde. Par 2, Jurassic Park 3. Et c'est de la merde à ma gauche, Antoine. Antoine, qu'est-ce que, pourquoi déjà? Parce que moi je suis seul à avoir aimé autour de la table, mais c'est pas grave, je ne donne pas mon avis. Antoine, t'as donné un 8 sur Sens Critique, c'est ça? Je me demande bien s'il a pas mis un an. J'ai revalorisé à 7. Après. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais 7, c'est déjà une très bonne note. Mais il revalorise souvent en fonction de ce qu'on lui dit après. Le mec, il a vachement d'opinion. Ça, c'est faux. C'est faux parce que moi, Spike Kid, monsieur, j'ai pas eu peur de mettre 1. Voilà. Malgré tout le bien que tu m'en dis. Ouais, mais t'as pas vu le 2. C'est vrai, apparemment, faut remettre en perspective en ayant vu les 2. Celui avec Franck Mini, ça. On l'a bien trop parlé. Spy Kids dans ce podcast. Antoine, qu'est-ce que t'as pensé? Non, si, franchement. Voilà quoi. Jurassic Park. Ah, il a oublié qu'il devait dire un truc méchant. En fait, c'est que ça fait tellement de clins d'œil à Jurassic Park 1, qui était en soi, qui valait le coup, qui vaut le coup sur tous les plans, parce que ce film est génial. Mais là, ça tient pas, parce qu'en fait, t'ouvres un parc qui est pas du tout sûr, quoi. Ils ont rien pour protéger les gens en cas de problème, ils les évacuent pas, enfin, ils font rien qui. Enfin, Tristan, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Alors, je sais pas en fait si vous avez ressenti ça comme moi, mais moi, j'ai un peu retrouvé mon âme d'enfant, mais juste. Exact. Mais juste en m'installant. Juste en m'installant dans la salle de cinéma, en fait. Inexact. J'étais tellement content de m'installer pour voir ce film qu'au final, ça contrebalance un peu avec les faiblesses du film. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être retourné 20 ans en arrière. Au final, voilà, le film est pas fou. Enfin, on est d'accord. Mais j'étais content de retrouver la saga. Kamel, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Bon, qui a adoré Jurassic Park et aussi Le Monde Perdu, pas du tout le 3. Normal. J'étais aussi dans une attente, on va dire, relativement disproportionnée par rapport à Jurassic World. Je me disais quand même que ça allait pas être terrible. J'ai voulu y croire. Donc évidemment, le fait de redécouvrir cet univers dans les premières minutes, j'étais hyper, hyper content. Voilà. Et au fur et à mesure que le scénario avançait très rapidement, j'étais très déçu et particulièrement de la fin. Donc ce qui me fait dire que ce film-là est une véritable bouse. Et toi, Béa, dis du bien, s'il te plaît, juste un truc bien. Il y a Chris Pratt. Voilà, il est. Il y a Omar Sy. En fait, ce qui m'a embêté avec ce film, c'est que c'est pas un remake, c'est pas un reboot, c'est juste une suite qui du coup sert pas à grand chose. C'est un reboot. C'est un rebooty, t'as dit? Un reboot. Est-ce qu'on est en train de refaire la phase où je parle et où on me coupe? Bisous, bien. On est encore sur Star Wars là. C'est moche. Du coup, c'est Star Wars Croc One. Ça s'est coupé. Vas-y. Non, mais si, c'est drôle, ça m'énerve, c'est drôle. Bon. Eu Jennifer Lawrence, ça aurait été un reboot. Vas-y. Mais je vois, voilà, c'est tout, j'ai plus rien à dire. Bah, moi alors. Non, moi j'ai aimé ce film parce que je suis trop fan, je crois, de la série. Autant Jurassic Park 3, j'ai du mal, j'ai pas réussi. Mais là, en fait. Depuis toujours, depuis que je suis petit, mon kiff c'était je veux voir le parc ouvert. Et rien que pour cette idée, j'ai bien aimé ce film. Mais je suis d'accord qu'il y a plein de faiblesses. Mais c'est ce qu'on appelle un plaisir coupable. J'ai pas d'autres mots à dire. Mais me regarde pas avec ces yeux méchants. Jamais tu me regardes avec des yeux méchants comme ça. C'est des yeux méchants teintés de désir. Exactement comme un vélociraptor te regarderait avant de te croquer. Si je peux dire un truc positif. C'est quand même divertissant, enfin voilà, mais c'est pas très bon, quoi, voilà. Mais on peut donner confiance, on peut essayer de faire confiance un petit peu au producteur, tout ça, parce qu'il y aura la suite qui va être réalisée par le réalisateur qui a fait Quelques Minutes Après Minuit, un film que tous ceux qui ont vu autour de la table ont adoré. Donc pourquoi pas, et sachant qu'il a dit, le réalisateur de Quelques Minutes Après Minuit, il a pas tellement aimé Jurassic World, on lit entre les lignes, et il veut se rapprocher de quelque chose beaucoup plus proche de Jurassic Park 1, Donc moins dans la grandiloquence, mais plus dans oui, le mais thriller. Mais pourquoi enfin, qu'est-ce que ça apporte en fait? C'est ça que je comprends pas. Les films, enfin Jurassic Park, ça existe, c'est bien. Et pourquoi pourquoi aller plus loin? On reparle de Star Wars. Ça n'a rien à voir. Et bim. Non, ça n'a Star Wars, rien à voir. Un point pour Thomas. 7, 8, 9, ok, ça a toujours été prévu dans la tête de George Lucas, mais Rogue One, pas du tout. Oui, donc, mais ça, c'est mais... pareil. Si c'est bien fait, c'est cool. Si attends, on va tous adorer le 2. Et on va être les plus heureux du monde. Et si j'aime le 2, Béa, je te fais l'amour. Alors, on passe tout de suite à la question. Ça manque un peu de Jeff Goldblum aussi dans ce film-là. Mais ouais. C'est ça. En il n'aurait pas dû faire Indépendance t'as des raison. Deux. Il aurait dû aller dans Jurassic mais World. Mais je suis complètement d'accord. On aurait voulu se rattacher à des figures Jeff oui. Goldblum ou même. Parce que là, Chris Pratt, il fait de la moto dans les hautes herbes. Et ça, Jeff Goldblum, il aurait dit non. Il est interdit de courir. Non, courir aussi vite que vous courir. Courez non, ne courez pas dans les hautes herbes. Mais en moto, tu vas plus vite qu'en courant. Donc Jeff Goldblum aurait peut-être. Ouais. Ok, c'est. On passe à la question. Une question tout à fait sympathique trouvée par Tristan. Les animaux ont-ils leur place dans la science-fiction? Ah, on a gardé cette question. Ouais. Mais enfin. Bah Sean le mouton par exemple. Béa. Ah mince. Tu te démerdes Béa. Oui, bah oui, pourquoi pas. Voilà. Bah si, non. Kamel, qu'est-ce que t'as pensé? Oui, pourquoi pas. Non mais il y avait Baxter, c'est pas ça? C'est pas ça ce film? Ça vous dit Baxter. Rien? Baxter. Non, ça c'est Lobster. Non, Baxter. Baxter, c'est un film. Je. L'histoire sans fin avec Falcor. Non, mais avec un chien, c'était bon, ok. Mais ça c'était Air Bud, c'était du basketball. Baxter, c'était avec un animal. Non mais avec un bah chien. Donc j'ai quand même tapé Baxter sur Google ouais. pour être sûr. Donc c'est une entreprise spécialisée dans les mais thérapies. Non mais arrête, il y a vraiment un film qui s'appelle Baxter non, mais et c'est avec Baxter, un chien. Bon, peu importe. Visiblement, ça n'a pas sa place puisqu'on est obligé d'inventer des films pour que ça ait sa place. On passe à un autre film. Independence Day Resurgence. De Roland Emmerich. Hein. Cocorico. Il faut de... Heureusement que non. Il y a Charlotte Gainsbourg. Ouais, Charlotte Gainsbourg. C'est... Ah oui, c'est vrai. Oh mon dieu, Charlotte. Oui, mais ça, on pourra en parler. Charlotte. Qu'est-ce qu'elle fout là? Mais à quoi sert-elle? Je sais pas. Enfin, mais, strictement rien. Moi, je comprends. On peut pas forcément dire non à tout. Bon, bref. La Terre est menacée par une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Oui. Le fait que ce film sorte, probablement. Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour d'un programme de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre récupérée. Donc c'est une dépendance des 1, en gros, mais refait un petit peu. Avec un gros vaisseau aujourd'hui, sans avec Will un gros Smith. Vaisseau sans de 5000 km de diamètre. Et absolument voilà. Pas logique. Et pas Dieu. Logique, qu'est-ce que vous avez pensé de cette merde? Voilà, je suis complètement... j'ai vraiment un des films que j'ai le plus détesté cette année. Antoine! Tu orientes, Thomas. Oui, totalement. Non, comme ça, je commence par défoncer le truc. Vous essayez de le sauver après. Je connais un petit peu mon Antoine. Hein. Dommage qu'on ne l'ait pas vu à deux, tu vois, j'ai un regret dans ma vie. Ah mon dieu, mais il y a tellement de choses à dire sur ce film. Enfin, tu peux nous en laisser un petit peu, s'il te plaît, parce que vraiment, oui, il y a des choses à dire. D'accord, ok. Bon, non, mais globalement, je restais là-dessus, puisque c'est un peu ce que j'évoquais dans la science-fiction, c'est le rapport à l'être humain et aux espèces qui pourraient l'intéresser. Ils en ont strictement rien à battre. On s'en fout, on s'en carre les couilles. Non, mais c'est parce que. Et je suis déjà chié Tristan, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est parce que il y avait un projet d'origine ouais. bien plus intéressant en fait à la base. Ah ouais Emmerich. Bah, il voulait faire la même histoire, mais c'était des chanteurs hollandais qui arrivaient. C'était Independence Dave. Voilà. Ah ouais, mais ça, j'aimerais bien qu'on se moque pas de Dave. J'aime beaucoup Dave. Ah non, mais ça aurait été beaucoup mieux. Non, mais c'est pas logique. Enfin, qu'est-ce que ce vaisseau vient foutre là? Il se pose sur la moitié de la planète et va attaquer les États-Unis sans raison et il sait exactement où est le président. Enfin, bref. Sans même connaître. Bon, bref. Ah non, mais tu vas pas relever toutes si, les incohérences. Si, si. Mais il y a que ça là-dedans, il y a que des incohérences. Ah oui, non, mais c'est pour ça, on n'a pas 2 heures quoi. Que des incohérences. On n'a pas 3 heures, on n'a pas 4 heures. Bref. Enfin, tu vois. Voilà. C'est nul. C'était mon avis. C'est nul. Kamel! C'est clair, comme dit Antoine, il y a tellement d'incohérences, même des scènes qui servent à rien, notamment le petit passage en parallèle où on suit le père de Jeff Goldblum, mais ça sert strictement à rien de voir son petit périple pour arriver jusqu'à la zone 51. Après, il y a un patriotisme qui est dans Independence Day, forcément. Ouais, ça, pourquoi pas. Mais plus une chinoise, pour hein. Du coup, c'est les Américains et une chinoise qui sauvent le monde pour le merchandising c'est chinois. Ouais. Il y a que ça qui évolue. Enfin, bon, Rogue One, c'est pareil. Hein. Ça. Ah, mais ouais, c'est mais pareil. Arrêtez hein. avec Rogue One. Tristan. J'ai pas vu. Mais tu vois, Tristan, c'est ah, mais quelle chance. Le meilleur mais avis à chance. Avoir sur ce film. C'était peut-être le bon c'est choix. Pas d'avoir vu. C'était le bon choix. J'ai une question justement, voilà, puisque visiblement, autour de la table, on n'a pas trop aimé ce film. J'ai une question du coup. Faire la suite d'un classique aussi longtemps après, est-ce nécessairement le gage d'un film raté? Tristan, qu'est-ce que tu penses de ça? Sachant que par exemple, cette année, on va avoir Blade Runner 2049. Ouais. Ce serait dommage. Bah, en fait, c'est quand même souvent raté quand c'est des petits réalisateurs qui s'y collent. Enfin, c'est dur d'arriver. C'est pas Joel Clodo. Oui. Non, mais d'accord. Bon, en même temps, il a fait quoi, sincèrement? Il a fait quoi? Mais quand même, la plupart des suites sont quand même faites par un réalisateur différent du premier. Bon, là, Blade Runner, par exemple, ça va être Denis Villeneuve, donc on peut espérer. On peut espérer que ça soit bien, ouais. Partout, Denis Villeneuve est partout. Mais en fait, en y réfléchissant rapidement comme ça, j'ai pas trop de suites. Bah, Mad Max, par exemple, c'était une bonne suite. En tête. Mad Max. Ouais, j'ai vu à moitié. Ah, t'as pas vu? Ouais, mais pourquoi? Parce que Miller, il était là aussi. Enfin, ouais. Tu vois, c'est et pas. Et plutôt se combler dans des effets spéciaux récents, il est parti dans des effets. Après, Jurassic World, Spielberg, il est producteur exécutif. Hein. Ouais, donc, il est quand même là choix. Derrière, mais au final, ça prend pas. Mais quoi. C'est pas suffisant de juste être le producteur. Ouais, c'est comme 300, ouais, c'est pas science-fiction, mais 300. Il donne quand même son avis. 302, il est producteur, Zack Snyder. C'est... Bah, on peut penser à la série des Insidious, en film d'horreur. Insidious 1, 2. Jameson et les producteurs sur le 3-4, pourtant c'est pas des aussi bons films. Ouais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire là-dessus sur les suites, Béa? En fait, moi ce qui m'inquiète, c'est que si on a besoin de faire ça longtemps après, enfin ça montre bien qu'il y a à un moment une pauvreté dans le scénario. Un quoi. Désir enfin, des spectateurs aussi, je dirais. Genre Blade Runner. Mais le désir des spectateurs. Si longtemps après, je suis pas sûr. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une envie de. Il y avait une recette qui marchait. On a besoin de faire un succès. Et du coup, moi, ce que je trouve dommage, moi, chaque fois que j'entends, enfin, tu vois, là, récemment, il y a eu Rogue One. Voilà. C'est pas une. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais enfin, voilà. Quel enfoiré. Il y a beaucoup. Il y a des suites de Love Actually, tout ça. Enfin, des succès. Mais c'est des films que j'ai aimés. Enfin, franchement, la suite de Blade Runner, ça me fait pas plaisir d'entendre ça parce que ça me fait. Enfin, ça m'inquiète. Je suis inquiète au fond de moi. Après, il y a des remakes qui sont pas mal, du genre La Planète des Singes ou des choses comme ça, c'était mais quand non, même assez réussi. Mais pourquoi? Mais des suites, ça arrive pas souvent. Tu vas pas faire l'unanimité avec ça. Pardon. Mais sinon, à l'inverse, il peut y avoir. Alors, moi, j'ai pas vu Dune, le premier qui est sorti, mais apparemment, il n'y a pas eu un franc succès. Et donc, à l'inverse, peut-être qu'ils vont le sortir aussi longtemps après sauver le truc. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru Antoine, entendre. Tu vas conclure sur cette question. Ouais, très rapidement, très succinctement. Moi, je pense qu'en fait, refaire des films 20 ans après sur une licence, c'est de l'exploitation de licence, c'est pour se faire du blé. C'est des films qu'on aurait pu appeler autrement, en fait. Ouais. À partir du moment, en fait, moi, quand je vais voir un film qui a un remake ou autre, je me dis, tiens, si en fait, je l'avais appelé autrement, et bah du coup, le film aurait peut-être plus intérêt qu'en fait... Comme Prometheus. Et comme Prometheus, ouais. Prometheus, tu l'appelles autrement, tu dis pas que c'est un préquel de l'Alien. Ouais, moi, je suis pour. C'est ce qui s'est passé. Bah pareil. Non mais complètement. Non mais voilà. Non mais c'est aussi sûrement pour montrer ce qu'on sait faire actuellement en effets spéciaux. On se dit, 20 ans après. Mais dans là, ce cas-là, tu fais des longs métrages, quoi. Tu fais pas des longs métrages. Non mais c'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est la justification. T'as raison, Tristan. C'est dommage que ce soit ça. Mais on se dit bon, on fait la même chose, mais là, par contre, niveau effets spéciaux, ça va envoyer. En tout cas, parlons de Loche. C'est un podcast qui dénonce de plus en plus. On a des positions. Passer à notre petit ami, le nouveau roi de la science-fiction, Denis Villeneuve, avec Premier contact, dont 12 mystérieux vaisseaux extraterrestres apparaissent subitement à différents endroits du monde, stationnés à quelques mètres au-dessus du sol ou de l'océan. Les buts des extraterrestres et le choix des sites échappant à toute logique humaine, l'experte en linguistique Louise Banks, jouée par Amy Adams, est recrutée par l'armée pour établir le contact et surtout connaître leurs buts. Qu'est-ce que vous avez pensé du film Béa, Premier contact? Moi, Denis Villeneuve, je lui pardonnerais tout jusqu'à un certain point, parce que j'ai adoré Incendie. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas du tout de la science-fiction, mais je vous le conseille. Enfin voilà, parenthèse. Ce film, ça fait partie de ces films où, clairement, on ne peut pas dire du mal de ce film parce que c'est un beau film. Ça traite effectivement la science-fiction d'une manière dont on n'a pas l'habitude de voir. C'est un mélange de 2001, de Rencontre du Troisième Type. Il y a beaucoup de références, je trouve, dans ce film. Voilà, je pourrais lui reprocher dans le mode science-fiction un côté un peu pesant, quand même, un peu lourd, un peu lent, un peu prétentieux en fait. Ouais, je ne regarde pas comme ça, Tristan. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tristan, trouve pas ça prétentieux. Non, mais je suis toujours embêtée sur ce genre de film qui va en rajouter, tu vois, et la musique, moi je suis très sensible à la musique dans les films, et là je trouve que la musique alourdit un peu tout ça, te montre que tu es en train de regarder un truc important, qui est un truc métaphysique, un truc qui doit te faire réfléchir, voilà. Et voilà, c'est un peu ce que je lui ai reproché, mais effectivement, c'est un très bon film. Voilà. Merci pour cette. C'est pas très clair du coup. Merci pour cette intervention de 27 minutes. Je vois sans mon truc. C'était mon moment. C'était mon moment. Voilà. Pour dire qu'il y a aucune réflexion à avoir sur quand tu regardes Rogue One, quoi, en fait. Puis enfin un film qui sait bien représenter un vaisseau. Tristan, vas-y. C'est vrai. Ok, donc je vous laisse. Je vous laisse les gars. Non mais du coup moi j'ai pas. Haricola. Non, mais j'ai pas Incendie en tête parce que je l'ai pas vu celui-là. Et bah, par pensais. Contre, j'ai vu Prisoners, je sais pas oui, si tu aussi. L'as vu. Oui, j'ai adoré. Non, mais j'aime beaucoup ce réalisateur en fait. Mais par contre, ouais, c'était une belle surprise. Je trouve qu'il apporte un côté minimaliste à la SF qui est assez spécial. Enfin, il y a pas d'explosion, il y a pas de spectaculaire. Il y a du spectaculaire, mais en fait, dans les images, dans les plans, dans la photo, comme d'habitude, hein, moi, c'est ce qui me plaît, c'est la lumière, la BO. Mais on va en parler juste après. Il y a, hein, y a un petit côté, du coup, un moment interstellar, moi, tu dis avec la réflexion, la métaphysique. Et moi, mais je reste bouche bée devant des films comme ça. Enfin, c'est pas le genre de film pour lequel je vais faire pause en plein milieu, quoi. Enfin, je vais rester devant et complètement abasourdi et complètement. Moi personnellement, je suis resté bouche bée devant mon voisin au cinéma quand je l'ai vu. Mon voisin, c'était Kamel, parce que je suis allé voir avec Kamel. Souviens-toi, on était bien, mais j'avais pas dormi. Ah si, j'avais dormi. J'avais dormi. Kamel, qu'est-ce que tu as pensé du film que j'ai vu avec toi, Thomas? Je viens de le dire, Kamel. Ah, tu viens de le dire. Mais je sais exactement ce que tu penses. On en a parlé au resto italien ensemble, mais oui, vas-y. C'est ça. Donc voilà, un film esthétiquement très très beau, mais un film pesant dans le sens de la lenteur. Ouais. J'ai trouvé ça plutôt long à regarder, pas spécialement attaché aux personnages, bien que les acteurs jouent bien. Et donc voilà, la relation, on va dire, familiale, sans spoiler, ne m'a pas du tout touché dans ce film. Okay. Dû justement à l'ambiance pesante et lourde. C'est en fait. C'est pas un spoil. Voilà. Antoine. C'est un film intéressant, mais bon, pour moi, ça reste quand même un film sur l'éducation et sur comment décrypter des taches de mug de café sur une feuille. Ouais. Hein, clairement. Quand même, moi qui n'ai pas adoré, je peux pas entendre ça quand même. Mais pour moi, c'est. Non, mais on est d'accord que si jamais t'as un mug de café sur une feuille, que tu le lèves, et là, Denis Villeneuve, il s'est dit tiens, j'ai un langage extraterrestre sous la main. Ouais. Si on pouvait interpréter les taches de café. Un salaud. Et donc voilà. Donc, en fait, c'est un film sur la divination. Je pense que tu gâches tout. Je gâche le tout. Mec qui gâche tout. Je gâche tout. Toute mais, la magie. Mais j'ai dit que j'étais un connard sur le premier, donc il y a aucun souci. Je gâche les films. C'est tu ma salis. Passion. Tu salis. Je salis. Je. C'est l'opprobre. Et Donc juste un pour corriger, parce que j'en ai marre des. J'en ai marre des imprécisions. C'est pas Denis Villeneuve qui a l'idée, c'est Eric Esserhern. Non mais je trouve que dans le cinéma on fait trop la. Non mais t'as raison. Non mais sinon. Je suis assez d'accord. Sinon la photographie. Oublie les scénaristes en fait. La photographie est très belle et après moi il y a une petite péripétie cinéastique qui m'a pas plu avec tu dis qu'il y a pas d'explosion mais il y a quand même une explosion dans le film. Moi ça m'a pas plu ça. Ce moment-là, le moment de l'explosion t'as pas aimé. J'ai trouvé que ça n'avait aucune utilité quoi. Ouais non c'est sûr ouais. Tu vois ça n'apporte rien. Ouais je suis d'accord. Et vous savez ce qu'a une utilité? Est-ce qu'il apporte quelque chose? C'est les petites questions de débat que je pose après les films. Donc la question. Attention. Donc ce film, il y a une esthétique quand même particulière, ne serait-ce que dans la représentation des extraterrestres et des vaisseaux. Donc je voulais savoir, dans le genre science-fiction, l'esthétique suffit-elle à faire un bon film, Béa? Non. non, je pense que vraiment sur la science-fiction, ce qui est important, c'est le scénario. Ouais. Tant mieux si c'est esthétique, c'est très bien, mais il faut que le scénario y suive. En science-fiction, en tout cas, c'est ça qu'on attend. Enfin que tu attends. Ouais, Kamel, moi, c'est ce que tu attends. Enfin, j'ai deux attentes pour les films de science-fiction. Alors, soit s'il n'y a pas d'esthétique, un scénario, d'accord, comme par exemple Lobster, ça me va très très bien. C'est le genre de film que je préfère dans la science-fiction. Mais sinon, un bon film d'esthétique où il y a des beaux effets spéciaux et où le scénario est secondaire, je vais être plus indulgent. Tristan. Ouais, du coup, il y a esthétique et esthétique. Il y a esthétique effets spéciaux à outrance et esthétique minimaliste. Et moi, au final. même s'il n'y a pas de scénario, si le film me capte visuellement et auditivement, bah je, ouais, moi j'aime. The Neon Demon. Ouais, non, je rejoins Tristan là-dessus, comme j'avais dit. Moi, une scène suffit parfois à juste qu'un film me conquiert, si je puis dire comme ça. C'est... Non, tu peux pas dire comme ça. Je peux pas dire comme ça, bon. Ouais, qu'un film ravisse mon cœur, mon choix du public. Non, une scène très belle, très, très bien orchestrée, très visuelle, me plaît et ça me va. Voilà. Merci Antoine. Alors pour conclure cette séquence, vous allez juste me dire le titre d'un film que vous retenez dans la sélection, Antoine. Ratchet & Clank ? Non, je déconne. Non. Non, je dirais, je vais le laisser aux autres, mais... Un titre. On passe à Tristan, on vient sur Antoine après. Non, The Lobster. Tristan. Bah, pour la belle surprise, Midnight Special. Kamel. Moi j'aurais dit Stranger, mais c'est un thriller du coup, The Lobster. The Lobster, bien sûr. Bien. Qu'il y a un podcast de retard, quoi. Pardon Star Wars, mais je vais dire The Lobsters. Par Star Wars, c'est Lobster. Pardon Star Wars. Elle parle à une personne carrément. Et oui, mais pardon George. The Lobster, évidemment. George. Eh bien, merci d'avoir fait le tour de ces films science-fiction d'aujourd'hui. On va tout de suite passer à vos grands classiques, puisqu'on passe à la troisième séquence de l'émission, le You Fuck My Wife. You fuck my wife. What? You fuck my wife. Le You Fuck My Wife, donc après avoir vu 10 films d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à vos références autour de la table. On a défini ensemble le film de science-fiction, donc pour vous, quels sont vos films de science-fiction de référence et pourquoi? On commence par Antoine. Bah d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a Antoine? Tu as honte parce que c'est Mr. Nobody? C'est ça, oui, voilà. La vérité? Bah en même temps tu l'as un peu teasé dans le truc. Moi j'aime beaucoup Mr. Nobody parce que c'est... Ah non mais c'est vraiment? Vraiment. Oh. Oui non mais je sais c'est tellement controversé. Mais c'est ton classique. Non, mais Tristan il a aimé hein, mais c'est juste qu'il trouve ça abusé que c'est un classique. Ouais. Non c'est pas forcément mon classique mais je pense que c'est un film quand même qui traite un sujet qui est assez intéressant. C'est... L'ennui? On est toujours dans le rapport humain. On est toujours dans l'ennui. Je sais pas, l'ambiance, l'histoire, le recoupement d'informations, moi ça me plaît beaucoup dans ce genre de film, et là je trouve que c'est très bien traité. Claude Atlas aussi le fait très bien, et c'est deux films que j'aime beaucoup du coup, Mr. Nobody et Claude Atlas, voilà. Mais après, dans le grand classique de science-fiction, il y a d'autres choses que je trouve très bien, comme Blade Runner, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, comme... Bah ça c'est des classiques. Mais oui, mais voilà. Pourquoi tu nous sors des trucs, là? Mais non, mais c'est parce qu'il a... Non mais c'est bien. C'est parce que c'est un film que j'ai vu, c'est un film que quand j'ai vu, ça m'a touché. Mais après, c'est condescendant aussi... ce que j'ai dit. C'est pas crédible. Sinon, il y a aussi The Fountain, qui est très bien, qui est tout à fait dans le même style. Et en fait, c'est un style de film que j'aime beaucoup connais, dans la SF. Tu voilà. Connais la version porno? The Femme Fontaine. Avec Brigitte Fontaine. J'allais y aller, les fables de la Fontaine. Bon, on passe à Tristan qui, on se souvient, la dernière fois, avait dit un film de Stanley Kubrick. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire cette fois, Tristan? Eh ben, grosse surprise. Ah. Son film de SF préféré, c'est Shining. C'est très bizarre. À chaque fois, il va se tromper de catégorie, oui. Non, voilà. Oui, ben bah, oui, bah, oui, 2001, l'Odyssée de l'espace. Pourquoi ça, Tristan? Ben, je pense que... Alors, j'ai eu la chance de le voir au cinéma quand ils l'ont repassé. En Dolby Surround? La chance. En Dolby Digital. Quand il est repassé l'année dernière. Et oui, enfin ouais, il est rentré directement dans mon top 10. Et ouais, voilà, c'est quand même le premier film... de science-fiction. Là, je me retourne vers Béa. Non, voilà. Tu sens vraiment que c'est le début de tout. Parce que le mec, il sort ça en 68. Et voilà, tu vois l'inspiration, du coup, après, dans tout ce que tu vois dans les années, dans le présent, enfin, aujourd'hui, de ce que tu vois au cinéma. Moi, j'abonde hein, dans ton sens, Tristan. C'est vrai que c'est... faut toujours le resituer dans le contexte. Alors, nous, Tristan, moi, plein d'autres gens l'ont vu après, forcément. Ouais. Mais je pense que si tu le vois sur une télé, c'est différent. Clairement. Probablement. En plus, toi, t'as eu cette chance. Mais au-delà de ça, visuellement et tout ce qui est proposé, c'est dingue dans l'anticipation. Ouais. Je pense que Metropolis de... Je sais plus qui dans le genre, c'est qui Metropolis, je sais pas. Ne regarde pas la plus vieille de ce non, podcast. Non, je regarde pas la plus vieille. Je regarde la pierre tiernière de l'émission. C'est Fritz Lang, Metropolis. Oh, mais quelle honte que j'ai pas retrouvé ça. Ouais. Kamel, quel est ton film de science-fiction préféré? Hamburger Fritz. Voilà, donc pas un classique, mon préféré. Oui. Parce que du coup, c'est difficile. Ton classique à toi. Ouais, voilà, mon classique à moi. Parce que sinon, voilà, je pense pas qu'il soit catégorisé comme un classique, mais c'est Bienvenue à Gattaca. Dendro Nicole. Très, très bien. qui est un film d'anticipation. Donc pour moi, ouais, c'est mon film de référence. On parlait justement, donc voilà, c'est un film d'anticipation avec quasiment, enfin, avec aucun effet spéciaux. C'est une dystopie. C'est une dystopie, ouais. Eugénique d'ailleurs même, on peut dire, parce qu'il y a une sélection qui est faite génétiquement pour les enfants qui vont naître. Donc on peut choisir de diminuer leur tare, voire choisir leur qualité. Ouais. Donc là, c'est une relation, qui est basée sur, voilà, sur deux frères. Donc un qui est né naturellement, je spoil pas, je fais juste un petit résumé. Ouais. Un qui est né naturellement, donc qui est voué à être malade, vu les parents le savent à l'avance, mais font le choix de le garder comme ça. Et par la suite, c'est beau ce que tu dis. Et par la suite, le second frère, du coup, par contre, est choisi génétiquement. Et c'est l'histoire justement entre ces deux frères, cette relation qui s'instaure. Et est-ce que la génétique fait tout dans la force de l'être humain? Oh, c'est beau. Mais peut-être là, que oui, peut-être que non. Sur une vraie question d'anticipation sur les dérives de la société, vu qu'on sait qu'on fait des progrès dans la description du génome humain. C'est un film, effectivement, un grand classique, c'est excellent. Ouais, et au-delà de ça, là aussi, la force d'esprit et de caractère qui peut surpasser les avancées technologiques en génétique. Alors, on se range avec la majorité, hein, parce que j'aime bien regarder les classements Sens Critique. Tu aimes Sens Critique, tout j'aime quoi. Sens Critique, tout Sens court, Critique, c'est clair. Si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. Donc, l'Odyssée de l'espace est 3e et Bienvenue à Kataka 4e. Et Mister Nobody n'est pas dans ce classement. Il est 51e et je t'emmerde. Il y a quand même beaucoup de classements où 2001 est premier. Enfin, ouais, mais attends, souvent, est-ce qu'on peut parler celui Star qui est premier... Bah, il est après. Ouais, où il est 5ème. L'Empire contre-attaque. Attends, il y a quoi dans le premier? Il y a Blade Runner, il y a Alien. Est-ce que j'ai le droit d'en donner plusieurs ou pas? Bien sûr, bah bien sûr. Ok. Bien sûr, il n'y a pas de non, règle. Alors, Star Wars épisode 1. Deux, non, Star Wars, vraiment, dans l'univers Star Wars, tout bêtement en termes de science-fiction. Et le pire, c'est que je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, c'est juste que vous cherchez d'autres choses, mais Star Wars, c'est juste impossible de... Enfin, je suis d'accord. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Mais non, mais c'est évidemment fédérateur, Star Wars. Enfin, oui, non, évidemment. Mais, non, évidemment. Non, mais... On va aller au-delà de la blague. Sincèrement, pourquoi j'ai mis Star Wars en premier, c'est que voilà, c'est un univers. Enfin, c'est du divertissement, c'est de la vraie science-fiction, c'est bon, épique. Bref. Bon, alors, mais si on passe Star Wars, qui est juste une évidence, moi je mettrais quand même Blade Runner, Retour vers le futur. Ah tellement. Et Soleil Vert. Je sais pas si vous connaissez Soleil Vert. Mais vraiment, c'est un très, alors, peut-être pas dans très les meilleurs, bon mais film. Oui. Ben... C'est Orson Welles. Non. c'est Denis Villeneuve. Mais quelle tristesse de faire un podcast de cinéma avec des gens qui n'y connaissent rien. Pardon, madame la bourgeoise. C'est pas parce que Antoine a choisi Mister Nobody qu'il n'y connaît rien. mais alors, je t'emmerde. On va passer au meilleur d'entre nous. Thomas, moi. Bah, c'est quoi tes films? Béa, tu m'as tué. Hein. Merci Antoine. C'est quoi tes films, Thomas? Ah, j'ai enfin la parole. Oui, comme je dirais Antoine de DHDP. Retour vers le futur, moi, carrément. Retour vers le futur parce que j'aime le fait qu'on se moque du genre en fait dans Retour vers le futur. Et au-delà de ça, ça joue avec le temps. Enfin. Dans les films parfaits, Retour vers le futur arrive très très haut dans mon classement. Et j'en ai parlé tout à l'heure, Heure, dans un film plus récent, vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et pour préparer le podcast, j'ai redécouvert pas mal de classiques, donc 2001, Bienvenue à Gattaca, les Star Wars. Les Star Wars, d'ailleurs, que je connaissais très peu, Alien, le 8e passager, tous ces films qui arrivent justement Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. C'est le seul SF. Hein. Ouais. Et donc, juste bon, pour terminer, Jurassic Park, nécessairement le 1, qui est thriller SF. Qui est forcément une référence ultime. Je pour sais pas toi. Comment conclure. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est notre moment. Spielberg aussi, c'est une référence de SF, quoi. Ouais, oui, bien sûr. Enfin, E.T., Jurassic Park, enfin. Même l'Indiana Jones. Et rencontre du troisième type. Hein. Rencontre du troisième type. Premier contact sûr. N'existerait pas sans rencontre du troisième type. Ouais, non, franchement, c'est impressionnant tout le travail qu'il a fait pour ce genre-là, quoi. Si je peux me permettre de dire quelque chose. On a pas du tout évoqué Terminator dans ce podcast, donc le moment de le faire avec Antoine et son moment à lui. Le moment gênant, le moment... le moment qui... Le moment honteux de l'émission. Voilà, c'est ça, mais la toile en parle comme... Le comme moment... le moment relou. Le moment relou, le moment... C'est maintenant où on dit au revoir. Ah non, c'est pas maintenant. Malheureusement, malheureusement. Okay. Alors... Pilule bleue, pilule rouge, à toi Antoine. Pilule et on se retrouve le mois prochain. Donc pour gagner un Petit Cruiser... Encore. C'est toujours le même. Et Antoine, je peux te couper? Je t'en prie. J'ai oublié de mettre le jingle. Voilà. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Ça valait le coup de te couper, non? Parce que pilule bleue, pilule rouge aujourd'hui sur Terminator 2 et The Matrix. Waouh. Ah, du même principe que la dernière fois, je vais vous faire un sel ou poivre. Donc, toujours basé sur le Burger Quiz. Donc, des propositions. Sur le Burger Quiz et sur ta mauvaise foi. Et sur ma mauvaise foi, totalement. On est d'accord qu'en fait, on fait rien. Si j'essaie de vous donner un peu plus de liberté et de moins prendre mon kiff, ce qui va être très compliqué pour moi. Je suis pas d'accord. Ouais, en fait, faut pas donner les réponses tout de suite, c'est ça la clé du. Non, mais Antoine, reste toi-même et on ne fait pas rien sur cette chronique, on rigole. D'accord. Alors, voilà, donc vous j'ai aurez commencé, hein, 6 propositions et vous devez les catégoriser soit dans Terminator 2, soit dans The Matrix, soit dans les deux. Yeah. Voilà. On peut dire Matrix pour le reste du podcast. Alors, il est cool, genre super cool, genre tellement cool qu'à la fin il coule. Terminator 2, oui, évidemment. Terminator 2, ouais. Bonne réponse. Voilà. C'est premier degré. C'est quoi les équipes en fait du coup facile. Mais c'est là comme c'est Thomas. C'est Béa Kamel contre Tristan. Ah, Tristan. Tristan Thomas. Ah bah du coup, nous marquons un point. Je perds un point et une femme. Un miam. Puisqu'on reste dans le Burger Quiz, c'est gagné. Tu gagnes un copain. Il y a un procès parce qu'il arrête pas de prendre les termes du. Apparemment, il s'en fout complètement. Pas de copain. Rien à battre. Il explose beaucoup de choses, surtout son forfait. Matrix. Matrix. Ah, bien joué. Un point pour Thomas. Je ne sais pas pourquoi. Dans la cabine téléphonique, de toute façon. Dans Matrix, afin de rentrer dans le monde réel, ils sont obligés d'utiliser des cabines téléphoniques. Ah oui, mais il n'y a pas de carte. Comme dans Harry Potter. Il n'a pas de carte, oui, pas de carte téléphonique. Et le téléphone sonne tout seul, mais oui, c'est incroyable. Et c'est une technique qu'ils utilisent de manière aléatoire. On est d'accord que voilà. Si on donne la mauvaise réponse, c'est point pour les autres. C'est point pour les autres, exactement. C'est un miam pour les autres. Donc un miam partout. Attention, on part du côté musical. Hein, ça part en couille. Il est fou d'MC Solar. Il est fan d'MC Solar même. Terminator 2. Hasta la vista. Tout le monde a vu le style de 2001 de MC Solar, mais moi je m'en souviens encore. Mais... le regard de Béa est tellement. C'est gênant là, non? Pas bien. Je dis que c'était assez gênant. Je suis au bout du rouleau. Pardon. Qui s'amuse? C'est pas lui. Non, mais. Voilà. Pour ceux qui sont pas là, qui sont pas là dans les coulisses, Antoine a préparé un tiramisu. L'un dans l'autre, ça rééquilibre. C'est voilà, la seule raison pour laquelle je lui permet. On lui permet de faire tout ça. Quatrième point, Swan. Chut, faut que ça finisse vite. S'il vous plaît. C'est une chanson d'image. Alors, c'est pas une chanson de photographie, mais c'est une chanson d'image d'Emily. Les démons de Matrix. Les démons de minuit. Alors, une réponse, Terminator 2, Matrix ou les deux? Bah, vas-y. Il s'agit de Matrix. Matrix, oh ma Matrix. Oh putain. Oh putain. La tristesse là de la chronique. On passe à la cinquième. Ma tristesse, Matrix, exactement. Tu viens de niquer ma troisième vanne. Non mais c'est là où les gens ils s'en vont. Donc en fait jamais ils nous entendent dire au revoir. Dire au revoir. Il est là pour faire partir. C'est très bien. Attention, il est né quelque part. Il est né quelque part. Être né quelque part, qu'est-ce qui sort de ça? Qui deux? Non, c'est Maxime Le Forestier. Matrix Le Forestier. Ah non, c'est juste ça. Maxime Le Forestier. Ça, c'est drôle. Allez. Et voilà. T'as fini? C'est fini. J'ai fini, mais en fait. C'est une blague. C'est honteux. Je pense qu'on va supprimer cette chronique. Et bon, on savait où gagner du temps sur le podcast, mais c'est là. On va s'arrêter là. Ça me rend. Non mais en fait, t'avais ta chance et là tu l'as raté. Je vais conclure cette émission qui vit en folie. En la conclure en disant que vous êtes et vous resterez pour moi des belles personnes. Vous avez eu de beaux avis sur le style SF. On a Antoine qui est en train de décéder en même temps. On se retrouve le mois prochain pour traiter du biopic. Et oui, on va se retrouver pour parler du biopic, des films biographiques donc. Et en attendant, on essaye de se choper dans les salles obscures au mois prochain. Salut. Bisous. Bisous. Au revoir.